Retro Nouveau. Ah, bonjour et bienvenue à ce 14e épisode de Rétro Nouveau. On est là avec vous et avec un nouveau site, tabarnouche. Oui. On a fait ça directement après que tu sois parti. Dans le fond, moi, j'ai acheté le thème de Tumblr immédiatement après ton départ, jeudi passé. On a jasé, on a fait ça. On va l'acheter, puis on va l'essayer. Puis finalement, on a mis ça online, taponné un peu pour une banner en haut. Puis on voulait attendre. Ça a pas été long, on pensait que ça allait plus long, mais finalement, tout était prêt vendredi. Ah ouais. Fait qu'on a mis ça online. On a bien fait, puis c'est bien le fun, là, ouais. La façon... Moi, j'aime bien notre interface, là. Ouais, ça fait beaucoup de stock, mais ça fait un peu éditorial, là, tu sais, t'as bien du contenu. Non, c'est ça, puis t'arrives, tu sais, t'as tout ce que t'as à voir est là, puis... Ouais. Moi, je tenais à préciser aussi, oubliez pas que si vous cliquez sur le contenu, sur certaines affaires, ou si vous cliquez dans l'icône qui est en bas à droite, qui est l'espèce d'agrafe, pas d'agrafe, mais de trombone... Ça va vous emmener sur une autre page où vous allez avoir juste la nouvelle, donc le contenu est plus gros. Ouais, ça peut être intéressant si justement l'interface est trop petite. Puis pour laisser des commentaires aussi, je pense que c'est là que ça se passe. Là. Oui. Donc, tout est catégorisé. On a tout tweaké ça. Avec l'aide de Wolf. Oui, Cyberwolf. Cyberwolf. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment, oui. Dans le fond. Et j'ai envoyé un courriel, un message, oui. Pour donner sa technique, là, parce que moi, c'est ça qui me buguait. Je voulais avoir des pages pour être capable, qu'on navigue bien, là, non, finalement, oui. Que tout ne se perde pas dans un pain puis qu'on à l'infini. Donc, merci beaucoup. Ouais. C'est beaucoup grâce à toi. Donc, yes. Merveilleux. On est bien contents. Puis, allez-y. Là, on a mis un counter qui compte les clics. Puis, ça clique pas mal. Ça clique pas mal. C'est quand même le fun. Puis, aussi, moi, je dirais au monde, là, c'est pareil comme une vie gamer, papa cassette. Retournez-y souvent parce qu'on est du genre à en mettre beaucoup. Puis, je voulais dire au monde qui suivent le podcast et qui suivent aussi mon Twitter, mon Facebook à Bruno Georget. Pour ce qui est des mises à jour du site, toutes les mises à jour se font via le Twitter de Rétro Nouveau. Ça se fait pas via mon compte. Présentement, je fais des retweets pour justement amener le monde à aller s'abonner au compte. Je lâche pas mon compte pour autant, mais pour les mises à jour, ça va se faire là. Puis pour mon compte Facebook, je garde tout ça. Quand je parle de trucs personnels avec Monsieur Net puis tout, ça reste encore là, il reste encore du stock, sauf que je tiens absolument à ce que tout le monde aille s'abonner à Rétro Nouveau au Facebook et au Twitter. Rétro Nouveau, c'est une expérience complète, puis c'est complet quand vous êtes abonné à tout. Ouais. Puis moi, Papa Cassette, mon blog vient de tomber dans le fond en stand-by. Oui. Je poste plus rien dessus, mais je vous quand même recommande d'aller faire un tour. J'ai beaucoup de choses en archive. Ben oui. Dans la section dossier aussi, des articles que j'ai écrits sur la chute d'Atari, des jeux de Square Enix... C'est des affaires qui m'ont pris un peu de temps, donc c'est pas, peut-être que je vais les repasser sur Rétro Nouveau éventuellement. Parce que c'était du beau aussi. C'est du bon contenu, puis je vais en rédiger encore. Ouais. J'ai moins eu le temps ces temps-ci parce qu'on est tellement dans le podcast et dans les affaires, mais c'est ça. Donc, Papa Cassette en stand-by, tout se passe sur RétroNouveau.ca maintenant. Oui, et pour nos problèmes de connexion, de toi présentement qui écoute le podcast et qui a probablement dû attendre environ 5 heures pour le télécharger, sachez qu'on fait tout ce qui est en notre pouvoir. Présentement, ce qui arrive, c'est qu'on est un peu à la merci de notre hébergeur. Notre hébergeur, on les a payés. On a payé pour 3 un bon ans, montant déjà, pour 3 ans. D'une shot. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui me disent « Ah, tu sais, change donc de place. » Ça se fait pas facilement non. Puis, on a quand même mis la pièce sur ce 3 ans-là, puis on aimerait quand même que les choses se règlent. Oui, puis ils ne répondent pas aux courriels, ils ne répondent pas aux appels, donc c'est vraiment l'impasse. Là. C'est ça. Mais si on a à déménager, on va le faire. Ça va sûrement nous mettre out de la game pendant un petit bout. En tout cas, on tiendra au courant. Mais ça se peut aussi que l'épisode qu'on écoute présentement peut-être ça va bien aller. Puis peut-être vous l'avez eu en deux minutes parce qu'on va faire un test ce soir. Dans le fond, on va le mettre sur un autre serveur qui est mon serveur de job. Oui. Puis on va voir si ça sauve la game. Là. Puis si ça marche, ben ça va nous dire qu'on peut déménager. Donc on va déménager d'hébergeur puis donner de la merde à notre hébergeur présentement. Pour essayer de revoir notre argent. En maison. Ouais. Fait que je pense que toi, Dominique, tu avais une annonce à faire concernant le groupe des collectionneurs de jeux vidéo du Québec. Oui, absolument. Techniquement, si vous écoutez ça, vous l'avez downloadé à partir de lundi. Donc, on est dans la semaine. Et puis, samedi, qui arrive là, le samedi, le 19 novembre, il y a une réunion du Club des collectionneurs de jeux vidéo du Québec. Et puis, il y en a deux, trois par année. Il y en a souvent. Puis, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Le monde amène leur gear, ils amènent des consoles, ça joue. C'est comme un marché aux puces, finalement, de connaisseurs, de rétro gamers qui ont du fun ensemble, puis qui vendent leur stock en très bonne condition, pas cher. C'est vraiment pas cher. Là. Oh, quelqu'un qui me vendait un Sega Master System à 12$. Là, c'est pas cher, c'est tout du monde bien friendly. Donc, moi, je vous invite à aller faire un tour. C'est à partir de 13h jusqu'à 22h au 1691 boulevard Pineuf, coin de rue La Fontaine. Donc, c'est dans Hochelaga, dans une espèce d'école. C'était au quatrième, mais là, je pense que ça va avoir redescendu. En tout cas, pour toutes les infos, allez voir au ccjvq.com. Ça vaut vraiment la peine. Moi, je vais faire mon tour, là, puis je reviens tout le temps avec des choses. Donc, je suis supposé y aller, là, à moins que j'aille en bourse en fin de semaine, mais je posterai sur le blog ce que je vais avoir ramassé là. J'ai mis, faites mettre de côté Frog Bug pour l'intellivision. Frog Bug! Un jeu d'intellivision qui est superbe. J'ai pas d'intellivision, mais c'est pas grave. Je ramasse les jeux pareil. Ça va venir un moment donné. Puis la caméra iToy pour le PlayStation 2, qui est ma foi l'ancêtre du Kinect. Ouais. Puis je vais plugger ça sur ma PlayStation 2, je vais me pogner un jeu, puis je vais montrer ça, comment ça marche éventuellement, même si ça doit être juste pour... Ben moi, écoute, j'avais acheté ça dans le temps avec Kinetic. Ouais. Ce qui est quand même drôle que là, ça sorte la Kinect, que moi, j'ai joué à Kinetic. Ouais, c'était un truc de mise en forme. Hey, Microsoft! Avec l'iToy. Hey, Microsoft! En tout cas, mais c'était avec l'iToy, puis ça fonctionnait bien. Par contre, tu sais, faut pas s'attendre à des résultats miracles. Tu sais, c'était très granuleux, il fallait absolument que la pièce soit... hyper bien éclairé, là. Vraiment clair. C'est un rideau en arrière, il n'y a plus rien qui marche. Ah ouais, faut vraiment que ton mur soit blanc, là. À la limite, ici, merde, dans le brun, dans mon salon, je serais jamais capable. Ça va être rough, mon gars. Okay. Tu vas avoir bien la misère parce qu'il n'arrivera pas à dire tes... À discerner. Parce que lui, ce qu'il voit, il voit ce qui bouge dans l'environnement. Fait que, tu sais, il voit ce qui bouge dans l'environnement, mais il faut qu'il soit comme en knock-out, je pourrais dire. Il faut que tu sois sur une surface qui est plus pâle que toi. Mais si moi, je me mets en chest, si je me mets en chest et en camisole blanche, je me tombe là, est-ce que je vais knock-outer le fond et ça va marcher? Je ne sais pas si ça va marcher. Pour moi, il ne faudrait pas que tu sois juste en chest. Je vais me mettre à poil. Ouais, mets-toi à poil pour jouer à Kinetic. Là. Bon, ça va être cher au bout. Pour pouvoir frapper des ballons avec choses. Ouais, j'ai posté quelque chose sur Rétro Nouveau un matin, j'étais bien surpris, ça s'appelle Abobo's Big Adventure. Ouais, c'est génial, là. J'ai regardé ça puis ça me fait triper au bout. C'est malade, mon gars, c'est un jeu gratuit, ça va être un jeu qui est gratuit en flash, qui va pouvoir se jouer dans votre furteur. Donc, évidemment, tu sais, Abobo vient de Double Dragon. Fait que si tu joues avec les sprites de ça, avec le graphisme de ça, t'as une belle mise en demeure qui s'en vient, sauf si c'est gratuit puis tu fais pas d'argent avec ça. C'est ce qu'il va faire. Puis, Abobo, dans le jeu, il commence au début dans Double Dragon, puis il se fait casser à gueule, puis... C'est le fils de Abobo qui se fait Péter à gueule. Oui, le fils d'Abobo se fait à gueule, puis il se fait kidnapper. Ouais. Fait que toi, il faut que tu ailles le secourir. Puis ce que tu vas faire, c'est que tu vas te promener dans les mondes de plein de jeux. Tu vas avoir Mega Man, Contra, Balloon Fight, Zelda, Mario Bros. Pro Wrestling, Mega Man, Goonies 2, Urban Champion. C'est malade, il y en a plein. Puis ce que je trouve écœurant de ce jeu-là, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement nécessairement pris tout le temps les boss puis le graphisme du jeu pour les ennemis. Ils sont allés jouer avec ça, ils en ont créé des nouveaux. Ouais. On voit des images de Kung Fu, des personnages, des ennemis de Kung Fu qui se retrouvent dans Double Dragon. À la fin, il y a l'espèce de kill screen de Final Fight. De Ninja Gaiden Arcade. T'sais. Ah ouais, OK. C'est vraiment écœurant. C'est comme un. C'est vraiment un. C'est ça, The Ultimate Tribute to NES. Puis il y en a des sprites là, partout. Là. On peut même pas tout vous nommer tout ce qu'on a vu là, en 30 secondes. Kid Nicky, Adventure Island. C'est fou, là. Il y a un tableau de contrat avec les zombies de Ghosts and Goblins. Puis fuck, il y en a du stock. Là, c'est vraiment, il y a vraiment du stock, c'est écœurant. Fait que moi, j'ai vraiment, là, allez voir ça, c'est sur Rétro Nouveau. Puis c'est top notch, là. Moi, je veux ramener un petit post que j'ai fait aussi. J'ai vu sur My Nintendo News que Ninja Gaiden 3 va être un launch title pour la Wii. Oui. C'est incroyable, ça. Ouais. Mais là, comment ça va se passer, là? Parce que Ninja Gaiden 3, ça sort bientôt, ça, sûrement. Ben, Ninja Gaiden 3... Ça fait un bout qui en parle. Mais il n'y a pas de date de sortie encore. Ah non, pas encore. Exact. OK. Fait que... Puis aussi, moi, ça, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de monde... Il y a beaucoup de monde déjà au départ qui vont dire la Wii U, ça ne marchera jamais. Ouais, ouais, ouais. C'est populaire de dire ça aussi. Oui. Moi, je me dis que tu ne peux pas juger d'une console tant que tu n'y as pas joué. Donc, c'est impossible présentement de dire si ça va marcher ou non. Non plus, il n'y a aucune date de sortie. Il y a aussi beaucoup d'autres monde qui disent ah, mais là, ils vont sortir ça, la sortie de la Wii U, crime, la 720 va être sortie, ah, puis la PS4 aussi. Il n'y a aucune date de sortie, il n'y a même aucun indice de développement pour ce qui est de Sony puis de Microsoft encore, ils ne se sont même pas prononcés. Ben, il me semble qu'on n'est pas rendu là, pas en tout. Non, là, on n'est pas rendu, on commence à gratter la surface ben, là, des nouvelles consoles. Tu sais, la PlayStation 3, ben, c'est ça, les nouvelles générations. Pas la Wii, mais les autres, il y en a, il me semble, ils sont capables de vivre un autre deux ans facile, là, de produire là. Des gros titres puis de faire de l'argent avec ça. Oui. Ils vont pas tout de suite là, se donner de l'ouvrage pour rien. Non, moi, je pense que avant là, 2014, début 2015, il n'y aura pas de nouvelle console. Ouais. Tu sais, ils sont capables de... Présentement, là, on est vraiment rendu au point où les développeurs sont en train de commencer... à trouver exactement comment tirer le maximum d'une console. Absolument. On le voit autant sur la 360 que la PS3, tu sais, fait que vraiment là, pas de panique là. Tu sais, peut-être que la Wii U va sortir aussi un elle moment va sortir donné. Avant les autres, ça c'est sûr. C'est ça, elle va sortir avant les autres, pour puis elle va juste terrain, puis elle va ça. Être égale aux autres là, ah, je ouais. pense, mais avec une twist qui est genre ce qu'ils nous ont montré au E3. C'est là. Ça. Mais déjà de voir que ça va saigner au max, puis de voir Ryu Hayabusa se faire empaler par un espèce d'autre que je connais pas, puis du sang qui pète partout, puis écrit Wii U en dessous, je trouve que c'est prometteur. C'est génial. Fait que non, c'est... Ben, c'est cool. Tu sais, c'est cool. Ça va être une console qui va être mature, qui va enfin se rattraper sur le reste. Puis en plus de ça, il va avoir... Mario dessus. Ben oui, il va y avoir toutes les affaires qu'on aime qui vont venir, plus du saignage. Donc, techniquement, s'il y a tous les jeux qu'il y a sur toutes les autres consoles ou à peu près, plus Mario puis tout, ben ça devrait bien aller. Mais avec la grosse manette étrange, tu sais, imagine, mettons, tu joues dans ta TV, puis la manette étrange est tactile, là, dans le fond, tu sais. Ben, est tactile, mais aussi, c'est une manette normale. Ça. Mais ils peuvent s'en servir, mettons, t'as un jeu, tu joues dans ta TV, mais la manette, elle, étant tactile, elle peut te servir de menu aussi pour choisir des trucs, ou ça rajoute, Puis moi, ça rajoute un écran de plus pour choisir tes... En tout cas... Puis moi, je vois déjà... comme une DS géante. Déjà une séquence où tu lances des shurikens avec ton doigt pendant que tu es en train d'avancer. T'sais, ça va être vraiment cool, pareil. Oui. Là, j'ai... Ah ouais. T'sais, moi, je trouve ça vraiment le fun parce que toutes les affaires de t'sais, iPhone, iPad, ces affaires-là, je trouve qu'il y a un côté avec les écrans tactiles qui est vraiment cool. Absolument. Puis ben, on le voit avec la DS. Sur la DS, il y a plein d'affaires qui fonctionnent avec le tactile. Ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien, t'sais, que tu peux pas faire avec une manette. T'sais. Absolument. Ben, tu vois, juste à Zelda, mettons, toi, tu vas faire Skyward Sword, mais on l'a essayé. Puis j'imagine sa Wii U, t'sais, pour le choix de tes armes dans un menu, t'sais, sortir la map, resserrer la map, tout ça va sûrement être dans ta manette là, au bout de ton doigt, tu sors la map, tu refermes la map, tu sors tes armes, tu choisis ton crossbow, tu refermes ça. Ça va être pas mal plus cool que de peser sur start ou sur une autre affaire, switcher avec ta manette. T'sais, ça va être plus simple. Il y a de quoi de naturel de jouer avec un stylet puis à jouer avec ton doigt sur un iPhone. Ouais. Donc, ça va être bien... Non, ça va être cool. Moi, j'ai hâte de voir ça. Puis, garde... C'est sûr et certain qu'au prochain 3, on va probablement avoir la vraie réponse, à savoir qu'est-ce que c'est, avec quelle manette qu'on joue sur cette machine-là. Puis aussi, moi, je prédis que Microsoft vont sortir une console portable au prochain 3, si c'est pas avant. Il y a d'autres conférences qui se passent avant, d'autres expos. Donc, ça se peut que ça se passe avant. On l'espère. Fait que aussi, juste pour finir l'intro, je veux dire que je suis revenu, j'ai pu jouer à 4 à Kirby en fin de semaine passée, à un petit power chez nous. Tu as eu du fun? J'ai eu du fun en salle. Ouais. Mais c'était un rumble incroyable. Là. Écoute, là, encore une fois, à 4, comme on disait, c'était un beau bordel. C'était très drôle. Mais tout le monde est tellement dedans. Là, c'était vraiment chouette. Les petits Kirby, tous les personnages en fait. C'est drôle quand tu pognes un fruit et t'as donné de la life. Tu te retournes vers ton partner, tu sais, puis quand tu y touches, il se donne un bisou. Puis là, il se transfère de la life comme ça. C'est totalement chouette. On se donnait des bisous, puis on avait bien du fun. Puis j'ai continué à jouer à Renegade Ops, puis j'ai passé deux autres missions de plus. Je t'ai vu arriver. Tu as fait un petit in and out. Fait que c'est ça. Puis là, il se passe des affaires. Il y a eu il y a eu de quoi de gros qui s'est passé dans le jeu. T'sais, moi, je pensais que ça allait être assez histoire. On s'en fout. Mais non, il y a eu un gros quelque chose. Je ne veux pas le dire. Gros événement. Donc, je continue à avoir du fun avec Renegade Ops, même si ça se répète beaucoup, c'est un peu tout le temps la même affaire. Oui. J'ai toujours autant de fun avec ce jeu. Ah, c'est cool. Donc, je vous le recommande. Puis moi, de mon bord, je suis super content parce que, regarde, on est jeudi. Zelda sort dans une bonne couple de jours, encore dans deux semaines. Puis je l'ai eu. Ouais. Je l'ai eu à Monsieur Net. Fait que là, je joue à ça intensivement pendant les deux prochaines semaines parce qu'on va faire la critique avant que le jeu sorte. Ça, c'est tout le temps bien le fun. Là. Absolument. Ça va être super cool. J'ai très hâte de commencer ça. J'ai reçu Super Mario 3D Land aussi. Donc, tu vas être bien occupé, toi, là. Ah, je vais être quand même pas mal occupé. C'est des gros jeux, mais j'ai d'autres jeux aussi. Fait que ça devrait bien aller. Cool, cool. Donc, une petite discussion aujourd'hui sur un sujet un peu bizarre, mais ô combien agréable. On a envie de parler des manettes. Les manettes qu'on a aimées, les manettes qu'on n'a pas aimées, les manettes en général. Ouais. Fait que, toi, c'est quoi la première manette que tu as utilisée dans ta vie? Atari 2600, bien sûr. Puis après ça, ça a probablement été en test chez nous, celle de l'Intellivision, parce que mes parents étaient grands fans de l'Intellivision. Okay. Donc, mais c'est bien trop compliqué pour l'enfant que j'étais dans ce temps-là. C'est ça, c'était la manette avec les numéros, hein? Dessus, il y a un clavier. Puis en bas, il y a une roulette. Genre de pastille, puis que plat est plat, tu sais. Ouais. Tu pèses dessus, puis ça l'enfonce. Oui, je m'en souviens. C'est un peu bizarre, là, comme manette. Puis vraiment, il y a beaucoup de monde qui dit. Écoute, à propos de cette manette-là, c'est très partagé. Il y a du monde qui dit que c'est vraiment hot. Il y en a qui disent que c'est la meilleure sur Terre. Mais je peux pas vous le dire, hein, parce qu'encore une fois, j'ai pas d'intellivision, mais ça s'en vient. Là, que j'ai comme 15 jeux d'intellivision, je peux même pas jouer. Mais je vais la réessayer. Mais celle-là était pas mal touchée, mais elle me fait beaucoup penser à celle du ColecoVision. Ouais. C'est pas mal la même affaire. Sauf être un peu plus choquée. Je la mélange avec celle-là. Celle-là du intellivision, il me semble que c'était celle-là avec la roulette. Ouais. Puis il y avait des numéros. C'est ColecoVision. Non, mais les deux sont pareils. Les deux ont la roulette puis les boutons. Sauf que celle du Coleco, c'est pas tant une roulette plate, c'est un petit joystick. Ouais. Mais moi, je sais pas, ces manettes-là, il faut que tu les tiennes face à toi un peu, tu sais, comme un téléphone pour tapoter les tu sais, puis pour que ça aille bien. Mais ça finit tout le temps que je la tiens sur le côté, ma manette de ColecoVision. Puis. Puis le fil, tu sais, c'était comme un fil de téléphone dans ce temps-là. Pas long, là, tu sais, c'est-tu de la merde, tu sais? Ouais. Comme les manettes de Sega Genesis, des fils de deux pieds, ouais. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est tellement pas cool. T'es obligé de sortir ta console de son crête, ouais. Tu sais, puis la garder super proche de toi. Être à terre, t'es sur une chaise, puis déjà, ça tire ouais. un peu, tu sais. Hey, le fil devait pas être si cher que ça dans le temps. Ça n'a pas de sens. Sauver sur le fil de même. Et aussi, les manettes de ColecoVision, il me semble que tu peux les rentrer dans la console. Ouais. C'était poche, la console était énorme aussi. À cause de ça. Absolument. Tu mettais tes manettes dedans. C'est quoi l'idée? J'ai réouvert mes deux ColecoVision pour les nettoyer à l'intérieur. Puis en dedans, le matos informatique prend un peu de place. Mais tout le reste, c'est du gros plastique vide pour le crate des manettes. C'est gigantesque, l'Ecovision. C'est tellement gros, puis c'est lourd, là, ça n'a pas d'allure. Ouais. Mais ouais, un crête pour les manettes. La télévision aussi, c'était comme ça. Fait que, Mais moi, ça a été. moi, sur l'Atari 2600, j'étais content, justement. J'avais la fameuse manette classique. Ouais. Mais j'avais aussi. J'avais pas d'eau. Je pense que le jeu, c'était Buck Rogers ou quelque chose du genre. C'était un jeu dans l'espace avec un vaisseau. On voyait le vaisseau de derrière, puis t'avais le sol qui allait en avant. Puis, je m'étais acheté une super manette, genre un Thrustmaster style jet. Là. Ouais. Hey, mon gars, je me faisais une petite planche, moi, avec mon petit jet, ça collait avec des ventouses. Ah, ouais, je me sentais dans un jet, tu sais. Mais c'est tellement ridicule. Mais sur le 2000, pour l'Atari 2600, il y en a eu des manettes, puis des manettes, puis des reports. Ouais, hein? Mais tellement, là. T'achètes des Atari au monde, là. Tout le monde qui a des Atari à vendre, des marchés aux puces, puis tout ça. Tout le monde a des manettes fucked up. Personne n'a les manettes originales. Ouais. La vraie originale qu'il y a partout sur Internet. Ouais. Parce que ça pétait après un bout. Là. Puis moi, avec, dans mon Atari, pour mon Atari, dans le temps, il était pété. Fait que ma mère m'en avait acheté d'autres. Puis je jouais avec ça, style jet. Ouais. Mais il y en avait qui allaient très bien aussi. Même qui allaient mieux que les classiques. Okay. Là. Mais non, c'est bien décevant. Puis j'aimerais ça revoir les originales pour aller mettre mon Atari. Ben oui, certain. Faire Mais c'est pas simple à trouver. Autant pour l'Atari 7800 que le 5200, les manettes originales, c'est rare. Ouais, c'est vraiment rare quand même. Là. Non, mais, moi, il y avait ça, puis là, après ça, crime sur la NES. Ben, la NES, c'est le classique des classiques. C'est là, le classique, hein. Ça va bien. Deux boutons, Select Start. Sauf cette manette-là, là, c'est rare qu'on peut parler en mal demain, mais. Elle me donnait des crampes, moi, à un moment donné, parce qu'elle était carrée. Trop petite, moi, je trouve. Trop petite, mais carrée. Ben moi, j'ai pas des super grosses mains, puis c'était... Moi, c'était le fait qu'elle soit aussi carrée, puis... Le coin te rentrait dans la main. Ouais, puis c'est pas hyper ergonomique quand tu penses à ça, tu sais. Non, vraiment pas. Puis c'est pour ça que j'ai été un des tata qui a trippé vraiment fort. Puis je reste ben, tata, parce que quand même admirable, là, on pourrait même quasiment te dire que t'es un héros. Ouais, mais à ce temps-là, je me faisais lancer des rushs, là. Le monde trouvait vraiment que c'était une mauvaise manette. J'avais la NES Max, que j'aimais vraiment, qui est, à mon avis, l'ancêtre de la manette de Xbox ou de la manette de PS3, tu sais. Par sa forme. Ouais. Ouais. La forme était pareille, sauf qu'en plus de ça, t'avais un pad. Circulaire, un pad analogue. Comme sur la 3DS ou analogue. C'était genre dans les premiers pads analogues. Hey, moi, j'avais un bouton de turbo en dessous. Ouais, t'avais deux boutons de turbo. T'avais deux boutons de turbo au-dessus de A ou B, ouais, c'est ça. C'était parfait pour jouer à G.I. Joe, tu sais. Hey, parce qu'il fallait tout le temps tirer une balle après l'autre. Moi, je poignais ça. Les manettes turbo, ça m'a permis de passer Blaster Master. Oui. Parce qu'il y a des monstres qu'il faut que tu pitonnes d'aplomb. Puis j'ai juste réussi avec des manettes turbo. Mais parlant de turbo, puis Nintendo. Ça me ramène à la NES Advantage. Oui! La grosse carrée, là, avec le joystick. Elle était écœurante. Puis le bouton pour craquer ton turbo dans le tapis, mon gars. Ça, c'était parfait pour jouer à Track and Field. Oui. Les jeux qu'il faut que tu pitonnes comme des malades, là. Ah oui. Moi, je suis quand même bon pour pitonner, là. Tu vois, je suis quand même. Ouais, bien vite, là. Mais Track and Field, là, le tir au poignet, là, qu'il faut que tu pitonnes. Hey, oublie ça. Turbo dans le tapis. Ton doigt sur le bouton. Brrr, couche le bouton. Le bouton était gros. C'était gros. Fun, gros crus de bouton. C'est une grosse manette. Ben, ça coûtait cher, cas, ça, dans le temps. Je pense que c'est une grosse manette. Mais c'était le prix d'un jeu. Ouais. C'était un passé aussi bien, là. Ouais. Puis, c'était moi que j'avais eu à Noël. Ah ouais? J'avais demandé juste ça à Noël. Je voulais la NES Advantage. Mais ça jouait-tu si bien que ça, le joystick? Pas comme des jeux. D-pad, hein? Non, c'est pas comme un D-pad. Moi, j'étais pas capable de jouer à Mario Bros. Avec. Non, j'avais c'est ça. À jouer à Mario Bros. Absolument. Mais les jeux de char, je jouais à ça. Ah ouais. Top Gun, j'ai juste joué avec ma NES Advantage parce qu'elle allait super bien. Tu sais, c'était vraiment le feeling d'un Thrustmaster, quelque chose qui est comme un volant d'avion. Ouais. Fait que ça allait super bien, mais sinon, tu sais... T'as-tu eu le Power Glove, toi? Je l'ai jamais essayé, non, mais j'ai eu le Power Pad, par exemple. Attention! Le tapis qu'on met par terre avec des boutons dessus et qu'on court. Parce que moi, j'ai eu un Nintendo très, très, très tard. Comme d'habitude, comme aujourd'hui, j'ai tout le temps une console après tout le monde très tard. C'est pour ça que je suis plus rétro. Puis, dans le temps que j'ai acheté mon Nintendo, ça venait venait avec le gun, le power pad, puis la cassette triple contenant Mario, Dokkan et World Class Track Meet, qui est un rip-off de Nintendo, pas Nintendo Championship, là, mais une autre affaire, en tout cas. Ouais. C'est un rip-off de ça. Donc, ça, tu cours, tu as de la course, tu as du hurdle, ouais. Tu sautes sur ton power pad pour sauter par-dessus des hurdles, là, des clôtures, ouais. Le saut à longueur, le triple saut. Mais tu sais, c'est très drôle parce que le saut à longueur, tu cours, là, tu sautes, tu débarques de ton tapis, tu laisses ton bonhomme... sauter dans les airs pendant 30 mètres, puis après ça, tu repèses avec ton pied pour le faire lander, tu sais, c'est un peu n'importe quoi. Puis il y avait une twist aussi, au lieu de courir comme un gland, là, dans le bois, tu sais, tu faisais juste tapoter du bout des pieds, là, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, de même, puis ton bonhomme, brrr, il allait super vite. Fait que ça, mais ça a l'air bien cool, j'en parle de même, mais c'était pas cher. Il y avait pas de jeu là-dessus, il y en avait trois, il y en avait un aérobi, tu sais, puis tout, puis le monde, il venait, il voulait l'essayer, on l'essayait, c'était de la vraie merde, là, c'était vraiment poche. Moi, j'avais un chum qui avait, il avait été poisson à cause de Wizard, puis il s'était acheté le Power Glove, tu sais. Parce que dans le film Wizard, de Wizard, le gars sort un Power Glove. Ah, le Power Glove, excusez-moi. Ça a l'air écœurant, tu sais. Parce que j'ai jamais essayé le Power Pad, je le connais vraiment pas, mais le Power Glove, je l'ai essayé. Tu l'as essayé, ah ouais? C'était atroce, tu sais. C'est d'avoir toutes tes fonctions, puis de jouer avec tes doigts, ça allait vraiment mal, puis t'as ton pad sur le dessus de ton bras. Qui finalement, t'étais tout le temps là-dessus parce qu'il n'y a rien qui marchait. C'était comme le rêve de tous les enfants d'être capable de jouer à Punch-Out avec ça, puis de casser des coups d'en face, mais ça marchait. C'était pas ça en tout, tu sais. C'était faux. C'est arrivé des années plus tard avec la Wii, c'est ça. Ça marchait vraiment pas. Ben d'ailleurs, je vais mettre sur le blog le vidéo du Angry Video Game Nerd, qui fait un spécial Power Glove. Je l'avais mis sur Papa Cassette avec on Switch. Je vais le remettre. C'est très drôle. Ben ouais, il montre à quel point, tu sais, il n'y a rien qui marche avec ça. Là. C'est ridicule. Mais j'aimerais ça en avoir un pareil, tu sais, juste pour tenir ma bière. Ouais. Ça me semble que ça fait agressif. Ça me semble que ça le fait pas mal. Ouais, c'est ça. L'hiver, tu mets un Power Glove avec pour conduire ton normal, char, tu sais. T'as ton. Le Power Glove. Bon, qu'est-ce qu'il y a, monsieur l'agent? Tu t'arrêtais avec un Power Glove. C'est qui, toi, Calvin? Sac. Sinon, quoi d'autre? Genesis. Ben, moi, après ça, il y a le Sega Master System. C'était comme une manette pratiquement comme un NES, sauf que le pad, il avait essayé d'aller avec les 8 diagonales. Directions, les ça diagonales. Mal, ça allait super mal. Là. Je me suis jamais habitué à ça. Moi. Non, mais je l'ai jamais aimé, cette manette-là. Oui. Puis elle était un petit peu plus grosse que celle de Nintendo, moins faite sur le long, plus bulky, là, plus sur le large, plus faite sur le haut. Fait que ça, j'ai moins trippé. Par contre, le Genesis, ça allait bien, ça. J'ai bien aimé la manette du Genesis. Juste 3 boutons, malheureusement, ouais, comparé au Super Nintendo. 3 boutons, puis il me semble qu'il n'y a pas de Select dessus. Non, juste Start. C'est un peu ridicule. Là. Moi, le Super Nintendo, t'es bien winner pour ça, parce que Left et Right, sur le dessus, ça servait. Encore une fois, vu que t'avais 6 boutons, Street Fighter, t'avais tes 3 kicks, Light, Medium, Hard, puis tes 3 punch. Puis quand tu joues à Street Fighter, c'est le Genesis, t'as juste 3 boutons. Ça fait que c'est Light, Medium, Hard. Puis là, tu pèses sur Start pour switcher entre kick et punch. Hey, ça te rajoute une étape. T'sais, t'as le temps de te manger une claque pendant ce temps-là. J'ai trouvé là, que c'était la fin du monde, vraiment. Là. Ça mais la Super NES, moi, ça a été... ça reste encore une de mes meilleures manettes. Ah, ça va super bien. Parce que, écoute, c'est parfait. Là. Puis, j'étais un peu déçu quand j'ai vu que, pour Wii, ils ont fait le contrôleur classique, mais ils l'ont fait comme plus gros. Oui, il est chubby. Il est chubby. Fait que, tu sais, ça marche, puis il joue avec, puis tu sais... J'ai réussi à m'habituer, mais je ne sais pas tellement ça c'est avoir pas le même la Super NES, non? Puis il y a de quoi d'étrange aussi du fait que le fil est par en bas au lieu d'être par en haut. Oui. On dirait que ça me bug psychologiquement quand je branche cette affaire-là. Oui. Que le fil m'arrive. Ben, t'as le fil dans la poche. Ben oui, le fil nous arrive dans la poche. Tu sais. Ça dérange ça, j'aime pas c'est ça. C'est vraiment gossant, là. Puis tu sais pas où mettre ta manette, la mets à côté. Tu fais avec ton affaire, c'est oui, clair. Non, elle est un peu différente. Non, je. Non, je tripe pas sur cette manette-là. Puis, c'est ça, il y avait Genesis. TurboGrafx 16, t'avais-tu essayé, toi? Non, j'ai pas essayé. Ça moi, j'ai essayé, mais c'était... Ouais, c'était pratiquement la même affaire. C'était pas vraiment rien d'intéressant dedans. Saturn, 3DO, je peux pas te dire. Là, je m'en souviens même pas. Ça fait longtemps. J'ai joué Saturn une fois dans ma vie. Ben, j'aimerais bien ça d'en avoir un aujourd'hui. Mais Dreamcast, j'ai détesté la manette. Ah, je l'ai trouvé pas si pire, moi, parce qu'elle était vraiment grosse. Elle était gigantesque. C'est clair. Mais tu peux plugger les affaires. Plus grosse que la manette de Xbox. Ouais, tu peux. Quand tu mettais ton Rumble Pack puis ton Tamagotchi. C'est ça, ça fait, t'avais tout un kit. Là, ah ouais. Là, c'était, puis le Tamagotchi, là, il marchait dessus avec des jeux. Il marchait seul aussi, puis il marchait avec des jeux. C'est ça. C'était quelque chose, pareil. C'était carré, c'était révolutionnaire. Cette console-là, c'était donc bien hot. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monde l'a boudé, man. Nintendo 64 se faisait torcher par ça. Ouais. All the way, ben man, oui. Tellement. Là. Mais tout le monde est allé sur Nintendo 64 et sur le PlayStation 1. Dans Attends, c'était-tu l'équivalent, c'était le GameCube? Non, l'équivalent, c'était le... Dans le temps de la Dreamcast, il y avait PlayStation 1, puis il y avait Nintendo 64. Parce que Nintendo, après la Super NES, il était arrivé à 64. Ouais. Après ça, la prochaine génération, c'était PS2, GameCube. Ah, c'est ça, Xbox. PS2, GameCube, c'est ça. Donc, effectivement, la Dreamcast torchait Nintendo 64 all the way. Ah, ben, il était un fier comme compétiteur là, de la PlayStation. Moi, j'étais PlayStation dans le temps. Ouais, puis, moi aussi. J'ai eu bien du fun, mais j'ai joué beaucoup au Dreamcast. Un de mes amis en avait un, puis fuck, man. C'était le fun, il y avait des jeux de qualité là-dessus. Ben, oui, il y a des collections. Il y a une collection sur Xbox de jeux Dreamcast. Puis l'autre fois, à Retro Nouveau, on a parlé de Space Channel 5. C'est vraiment des bons jeux là-dessus. Soul Calibur, moi j'ai joué à Soul Calibur la première fois là-dessus. On a joué des nuits à ça, man. Fun, même le jeu de pêche, man. On a loué la canne à pêche. On s'est acheté une 28 de Laurentide. Non, 24 dans le temps. Et on a loué le jeu de pêche. On avait la canne à pêche. On a pêché un petit bout. On a eu vraiment du fun. Ah, c'était cool, hein, maudit Dreamcast. Puis il y a plein de fans là, sur Internet qui sont Dreamcast 2, s'il vous plaît. Dreamcast 2, man. Ouais, mais ces gars l'ont dit. Ces gars l'ont dit. Ça ne reviendra jamais à la Dreamcast. Tout ce qu'ils vont faire, c'est ressortir les jeux puis des titres. C'est pareil comme la Neo Geo. Ouais, maintenant, ils font leur cash avec les Greatest Hits, King of Fighters. Des jeux qui sortent sur PSN puis XBLA. Ils se cassent pas la tête. Même il y en a sur Wii aussi. C'est dans le Virtual Console, il y en a des jeux de Neo Geo. SNK. Ouais, exact. Fait que, tu sais, c'est bon, mais tu sais. Point de vue manette, moi, c'est ça. La Super NES, ça m'a vraiment... j'ai vraiment été accroché longtemps. Puis après ça, pour moi, ça a été la DualShock. La DualShock de PlayStation. All the way jusqu'à la fin, je trouve. Même la PlayStation 1 n'était pas dual. Ben, je pense qu'elle est devenue vers la fin. Je pense qu'ils l'ont sorti. À la fin. La shape d'une manette de PlayStation, ils l'ont encore aujourd'hui. Ah, moi, c'est ma meilleure manette. Là, Xbox, j'ai beau essayer. Même maintenant, avec ma 360, là, je... Caroline, de grosses patentes à gosse, puis c'est la façon que les boutons et les manches sont placés. C'est vraiment fait. J'en parlais l'autre fois avec un gars, puis il me disait ah, tu sais, ouais, c'est parce que t'es pas un gros tripeux de first-person shooter, puis avec les first-person shooter, la 360, la manette, elle va bien. OK. Fait que c'est peut-être toi, t'es un peu off là-dessus. Mais j'aime ça, les FPS, mais c'est pas ma profession. Okay. Là, les FPS, tu sais, c'est vraiment. Dans l'équipe, c'est Denis, là. Denis Talbot, très fort sur les FPS. Moi, je vais jouer, je vais avoir du fun, tu sais, je me casse pas trop la tête avec ça, là, tu sais. C'est le fun, les FPS, mais c'est pas ma spécialité, disons, tu sais. Ah, moi non plus, ça me dit tellement pas. Mais j'aime ça, jouer à des FPS, mais tu sais, comme c'est là, regarde, j'ai pas Battlefield 3, puis j'ai pas Modern Warfare 3 encore, puis je vais les avoir à un moment donné, mais probablement que tout le monde va les avoir finis, va avoir chialé sur le solo... On va avoir chialé sur le multi, puis moi je vais jouer après tout seul. On va faire mon 5-6 heures de campagne solo. On va aller reporter ça au jeu vidéo. Bonsoir. Au prix qui va être rendu là. Mais dans le vendeur, je l'ai payé 14$. Ah, c'est ça. Tu vas avoir une pièce pour en plus quand tu vas le reporter. C'est ça, exact. Mais revenons un petit peu aussi sur la GameCube et la Nintendo 64. Il y a du monde qui bâche solide sa 64, puis. Moi aussi, j'ai pas aimé cette manette-là du tout. C'était comme une manette à deux niveaux. C'est comme t'as pogne dans le milieu, puis à droite, t'as pogne dans le milieu ou à gauche. Puis il y a des affaires partout là-dessus, puis c'est gigantesque. C'est vraiment étrange. C'est pas le trip de mettre trois branches sur une manette. Non, c'est ça. C'est pas un vaisseau. Ça avait l'air d'un petit vaisseau spatial. Ouais. Je trouvais que c'était trop, puis tu savais pas vraiment où mettre tes mains. Tu finissais par avoir tout le temps ta main au milieu. Oui. Parce que des shooters, justement, comme Turok ou des affaires de même, fallait que tu te serves de ça. Tu pouvais pas te servir de ton pad. Fait que à gauche, le pad, le pad finissait par être inutile. Ouais. Parce que tous les développeurs étaient comme, ah, on est dans un univers en 3D, fait que let's go, ah, ouais, on se lâche loose. Absolument. On jouait tout le temps avec l'analogue, tu sais, avec c'est comme, tu sais, jouer avec un joystick, c'était devenu la norme, puis le pad, ben, exit le pad. Ouais. Ce qui est plate, parce que. Un pad, ça peut être pratique. Mais là, on a un pad, tabarnouche. On voit sur la manette du GameCube ici, ouais, ça a été le contraire. Ils ont mis l'analogue en premier, puis comme le pad en bas, là, ouais, ça sert un peu à rien. Il y a un deuxième analogue à droite aussi en bas, jaune, qui, ouais, à mon souvenir, servait pas tant. Il servait pas tant que ça, puis il se prenait mal parce que c'était juste comme un. C'était juste comme un moignon. Ouais, il était. Tu sais, c'était petit, puis tu mettais ton pouce dessus, mais t'avais pas de grip. Fait que, tu tassais les affaires, puis c'était pas précis, puis il était raide. Ouais. Il était vraiment raide. Ouais, il était étrange, hein, au toucher. Puis t'as left-right encore sur le dessus. Ouais. Ben, c'est comme un éparpillement de boutons, cette manette-là. Puis il y a une sorte d'affaires en bas. C'est pas chic. Puis c'est très brouillon, en fait. Puis pourtant, il y a beaucoup de monde qui ont trippé sur cette manette-là. Là, ouais. Parce que au point même que la Wii, ils ont décidé de garder les plugs de manette de GameCube sur le dessus de la console. C'est pas rien. Ben, c'est pas juste parce que la Wii joue les jeux de GameCube. Ben, aussi, mais c'est aussi parce qu'il y avait une forte demande. Okay. Les gens l'ont aimé, cette manette-là, même qu'il y a beaucoup de monde qui joue à Mario Smash Bros. Ben oui. Puis ils vont jouer avec cette manette-là, sont habitués avec cette manette-là, ils veulent pas jouer avec les contrôles de la Wii, tu sais. Mm. Fait que. Puis une fois pour toutes, là, regarde, on est rendu là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, des contrôles de la Wii? Ah, c'est vrai, les contrôles, ben écoute, c'est bien correct, là, en fait, moi. Parce que la manette, au jeu que je joue. Comment t'as réagi la première fois que t'as vu ça, cette manette-là? Ben, j'étais un peu mélangé au début. D'une manette faite en long, les boutons, là, ouais, dans le sens de la longueur. Puis ça me fait ça quand je joue à Zelda Twilight Princess, parce que moi, je joue pas à Skyward Sword, chanceux. Mais dans le bas, le plus, puis le moins, ils sont loin, tu sais, puis ils servent à sortir la map. Fait faut comme que je recule ma main un peu dessus, ouais, pour me rendre à ces boutons-là. Moi, je me sers de mon autre main. Ouais, c'est ça. Ben, j'aime pas ça, non, faire ça. Puis je me rends compte, tu sais, j'ai punch out, mettons, je joue à punch out, puis j'essaie, je punch avec mon nunchuck, puis tout, puis ça marche, mais je suis jamais autant performant que quand je tiens ma manette comme une manette de NES normale. Contrôle. Kirby, ça joue normal. Metroid Prime, ouf. Ouais, Metroid, ben non, mais Metroid Other M. Non. Other M, je l'ai pas essayé. Metroid Prime, moi, tu pointes, là, puis tu joues avec ton nunchuck. Mais ça marche très bien, ça, par exemple. Mais pour les first-person shooters, ça va super bien. Ouais. Ça, je trouve que ça marche. Sauf que, encore là, si tu me donnes le choix, moi, c'est ça qui arrive avec la Wii. Si tu me donnes le choix de plugger mon contrôleur classique ou d'utiliser la manette sur le côté, je vais l'utiliser sur le côté. Moi avec. Je suis pas un gars de gimmick, là. Tu sais, c'est. Ben, il y a des jeux qui marchent bien. Silent Hill, là, aussi. Parce qu'il y a un speaker dans cette manette-là, aussi, qui parle, qui dit des affaires, des fois. Fait que ça, c'est cool. Ouais, dans No More Heroes, ça servait de téléphone. Ouais, c'est ça. Tu mettais sur ton oreille, sur le téléphone. Je trouve ça cool. C'est vraiment cool, ces affaires-là. Mais en tout cas, faut l'essayer aussi quand les jeux l'offrent, là. Ouais. Mais souvent, je trouve qu'on est plus performant en jouant de façon traditionnelle. Ben oui, totalement. Fait que c'est ça. Mais c'est pour ça aussi que, tu sais, la Wii U, on en parlait tantôt au début du podcast, puis, tu sais, tout le monde dit comme, ah, ça marchera pas, c'est de la merde. Au début, quand ça a commencé, tout le monde disait que la Wii, ça marcherait pas, que c'était de la merde, que c'était impossible que ça fonctionne. Puis le monde a embarqué au bout. Ben oui, ben oui. Le monde, là, justement, le plus gros jeu que Nintendo va sortir dans la carrière de la Wii, dans la vie de la Wii, d'après moi, c'est Skyward Sword, tu sais. Probablement. Mais ça a été Wii Sports, là, en fait. Ça a été Wii Sports avec la console. Il venait avec la console, mais dans le sens d'importance, puis dans le sens que Zelda, ce qui est phénoménal, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont des hardcore players sur les consoles next-gen, la 360, la PS3. Qui achètent une Wii juste pour Zelda. Oui, qui vont acheter une Wii juste pour Zelda. Fait que, tu sais, ça, ils veulent l'avoir, tu sais, les contrôles, ça va être comme ça, c'est pas des contrôles classiques. Puis, ça marche, tu sais, c'est fait pour ça, c'est pensé comme ça, fait que là, ça marche. Moi, c'est plus dans des jeux où tu vois que c'est. Ça a pas été. Ça, on aurait pu y jouer autrement, finalement. Ah, tu te dis, si j'avais eu des contrôles normaux, ça aurait été encore plus le fun. Là, c'est dommage, tu sais. Fait que, j'ai essayé en fin de semaine, parce que je l'ai acheté, ça, je l'ai mis sur le blog. Non, je ne l'ai même pas mis. En tout cas, whatever, j'ai acheté Tatsunoko versus Capcom. Oui, Capcom, oui. Puis tu peux jouer avec la manette sur le côté comme une NES, tu peux jouer avec Nunchuck, tu peux jouer avec le classique, tu peux jouer avec tout. Oui. Puis on a vu qu'on jouait à Kirby, tu sais, j'avais rien de branché, fait qu'on a joué classique. Puis là, c'est un bordel, là. Tu sais, les jeux de bataille, il y a plein de monde qui ne connaissent pas les mots. Tu pitonnes, tu fais n'importe quoi, là, ça pétait. C'était n'importe quoi, là. Ça marchait pas. Il manquait nettement d'options. On a juste deux boutons, trois avec la gâchette en dessous. Là, on a branché celle qui ressemble au Super NES. Là, c'était vraiment plus sérieux. Ouais. Là, fait que j'ai pas exploré beaucoup, là, mais ça rendait ça compliqué pas mal. Mais en tout cas, je veux pas bâcher parce que peut-être que ça le rend plus simple aussi. Parce que des fois, dans les jeux de combat, faut que tu fasses ton combo genre trois fois, que tu fasses tes boutons, tout ça. Puis là, on dirait que toutes ces combinaisons compliquées-là sont résumées en un seul bouton. Ouais, c'est ça. C'est donc, plus ça pour les joueurs occasionnels. Si on fait ça comme ça, puis ça va être plus facile, puis ça va être plus fun, tu sais. Fait que ça offre des possibilités aussi, en fait. Ça... Mais moi, j'aime ça parce que Nintendo, dans les derniers temps, ils font ça. Ils offrent tous les types de contrôles. Tant mieux, tu sais. PlayStation, ils font la même affaire. C'est le fun. Ils font la même affaire que la Move. Dès qu'ils peuvent, ils mettent la version avec la Move aussi. Mais tu peux jouer de façon normale aussi. Fait que ça, moi, j'apprécie ça grandement, même si la Move, totalement honnête, je joue pas vraiment avec. Non, je l'ai chez nous, là, puis elle sert à rien. On pourrait entendre des criquets présentement. Ah, ouais. Elle sert absolument à rien. Puis Kinect, moi, garde. Ça prend un entrepôt vide pour être capable de faire ça. Pas juste que ça prend un entrepôt, c'est que ça prend aussi l'intérêt. Ouais. Puis, tu sais, les jeux jusqu'à maintenant, là, ça s'est avéré vraiment être un gadget, puis au final, on pourrait dire que où on est rendu dans l'évolution des manettes, on est rendu que c'est nous autres la manette. Moi, j'aime pas ça. Non, je vais reculer un peu. Ouais, ouais. Je vais retourner aux bonnes vieilles manettes avec des boutons qu'on tient avec nos deux mains. Ça marche pour la 360, ça marche pour la PS3, crème. Pas besoin d'avoir un grand fil et que ça a l'air d'être des nunchaku. C'est une manette, une bonne manette. Puis pas de fil, ça fait du bien. Ouais, pas de fil. Surtout pas de fil. Crème, non. Pas de fil. Écoute! Alright, donc aujourd'hui, moi, je vais faire un spécial. C'est pas tant une surprise, vu que j'en ai parlé lors du dernier épisode. J'allais parler de Aliens Infestation au DS. Mais avant de parler de celui-là, je vais parler de Alien 3 au Super Nintendo. Ok, oui. Qui a été un de mes jeux que j'ai acheté dans le temps au Super Nintendo, après l'avoir loué. Ouais. Parce que j'avais aimé ça, j'avais trouvé ça bon, puis je trouvais que ça valait la peine. Donc, c'est un jeu... C'est incroyable parce que moi, la pire compagnie de jeux vidéo, de développeurs, je trouve que c'est LJN, le petit arc-en-ciel. Ouais, j'en avais parlé dans un autre vrai. Épisode. Ils font juste des jeux de marbre. Mais étrangement, c'est eux autres qui ont c'est fait eux autres qui ont fait ça? Ouais, je capote. C'est genre leur seul... C'est peut-être des anciens employés de LucasArts ou quelque chose de genre t'expliquer. Je vais t'expliquer c'est quoi justement la gamique. Mm-hmm. Donc, c'est sorti en 1993 au Super NES. Okay. Puis dans le fond, LJN était une subdivision de Acclaim. Aha. Tu connais Acclaim? Ouais, mais c'est ça, c'est les mêmes couleurs, le logo. Ouais, c'est ça. Puis Acclaim, c'est Mortal Kombat. Les meilleures machines d'arcade, souvent. Oui, c'est Acclaim, oui, oui, absolument, vraiment. Absolument. Puis donc, c'est ça. Mais un petit fait intéressant, tu sais que les anciens de Atari ont quitté Atari pour faire Activision. Puis tu sais que il y a des anciens d'Activision qui ont quitté Activision pour faire Accolade. Accolade, bon, ça. C'était pas mauvais, ça, hein, c'est du bon stuff. Puis des anciens d'Accolade sont partis de là pour faire Acclaim, tu sais. ça retrace, là, les racines de ça sont de l'Atari. Et puis, si tu as remarqué, pendant que je le disais, ça commence tout par A. Puis AT, Atari, là, le monde part de là, ils partent Activision, AC. Partent de là, ils font ACC, Accolade. Puis là, l'ultime, ACCL, tu sais, c'est... en ordre alphabétique, finalement. Ouais. Fait que s'il y a du monde qui partait de Acclaim, il aurait fallu que ça soit genre A, B, quelque chose, whatever. À chaque fois que tu quittes la compagnie, ça monte dans l'ordre alphabétique. C'est aussi fait que les francs-maçons, cette affaire-là. C'est deep. C'est vraiment drôle. J'ai trouvé ça totalement sympathique. Ah, donc, ouais? Acclaim, je trouve, malgré tout, là, côté console, qui n'ont pas fait... Tu sais, il y a des bons jeux, mais il y a vraiment de la merde. Oh, ouais, fait qu'il fallait faire attention à ça. Ouais. Donc, quand même, une belle réussite pour Alien 3, puis je suis bien content. Donc, ce qu'il faut faire là-dedans, t'as-tu vu le film? J'ai tout vu. Tu connais ça, Alien? Je connais ça, j'aime ça. Mieux que moi, sûrement. Et je connais aussi ce jeu-là, c'est... Fait que ça se passe, à la prison, là, comme dans le film. Puis, t'as 6 stages. Puis, dans chacun des stages, t'as plusieurs missions par stage. Mm-hmm. Fait que tu fais replay avec ton gun, puis tout. Puis, dans le fond, tu commences à l'intérieur de la prison, là, dans ouais. l'univers de la prison. Puis, il faut que tu ailles à un terminal. Puis là, dans le terminal, tu as un choix de mission. Tu choisis une mission, puis tu pars l'affaire. Donc, tu pars avec ton gun, il y a des aliens sur ton chemin. Puis, c'est ça. Donc, chacune des missions est différente. Mettons, il y a une mission qui va te demander d'aller secourir des prisonniers. Mm-hmm. Fait qu'il faut que tu ailles à telle place, puis à telle place, il y a des prisonniers à ces places-là. Puis, tu passes à travers le tableau, tu shootes les aliens, ouais, tu fais ton chemin, puis un coup, ils sont libérés. Là, il y a une petite musique qui fait tididididit. Ça veut dire que ta mission est faite. Tu reviens au terminal, puis tu te choisis une autre mission. Oui. D'ailleurs, cette petite musique-là est très importante, hein, parce que des fois, tu aurais tendance à penser que tu as peut-être oublié un prisonnier ou quelque chose. Puis non, c'est très utile. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus mais forte. Mais c'est ça, moi, c'était un peu mon point faible du jeu. Je me souviens que quand j'étais jeune, j'ai un peu rushé avec ça. Le? Ben, parce que tu savais pas exactement quand est-ce que tu terminais tes missions, ouais. tu sais. Si tu portais pas vraiment attention à ça, tu pouvais là, te perdre pendant un bout. Te perdre, là. Ben, c'est ça la twist, dans le fond, parce que tes missions, tu les prends à partir du terminal. Mais le terminal, il est un peu... Il est pas user-friendly. Parce que quand tu choisis une mission, la mission elle a un nom, genre Hit and Run ou ben Burn, Baby Burn. Tu sais. Puis chacune des missions, là, quand tu pèses sur le bouton, elle parle, ben, ça l'écrit. Là, tu vois sa face qui bouge, puis elle explique la mission. Il y a des prisonniers qui sont pris là, il faut que tu ailles les chercher dans le Bugwash 8 puis le Weapon Room 6. Fait que là, OK, tu sais, tu essaies de mémoriser ça, puis ça te montre partout ce qui sont les prisonniers. Fait que là, fine. Mais là, après ça, il faut que tu fasses examine blueprint pour regarder la carte de ton du stage au complet, puis tous les stages, toutes les portes qu'il y a partout, pour savoir exactement il est où le Bugwash 8, puis il est où le Weapon Room, tu sais. Ça, c'est pas simple. Puis il faut que tu le mémorises dans ta tête, il faut que tu t'en souviennes qu'il faut que tu ailles dans Bugwash, pas dans Fournaise, tu sais. Puis tu peux pas peser sur Start à tout bout de champ, puis sortir une map, savoir où est-ce que tu es. Donc tout se fait à partir du terminal. Ça, j'ai trouvé ça un peu chiant, là. C'est un peu chiant, sauf qu'en même temps, tu sais, c'est ça, Aliens, tu sais, quand tu penses un peu à l'environnement pis tout, tu sais, si c'était dans la vraie vie, je veux dire, Ripley, elle n'avait pas de carte. Non, t'sais. Non, c'est c'était vraiment, elle allait voir sur le terminal, puis après ça, elle sauve, puis elle se perd, puis un peu là-dedans, dans l'univers de Aliens, ce que je trouve le fun, c'est que c'est très, tu sais, t'as comme un espèce d'esprit claustrophobe parce que t'es tout le temps pogné dans des petits tunnels. Ah, puis là, c'est très labyrinthe, tu sais, très dark. Tu passes beaucoup de temps, ben, ça pour aller d'une place à l'autre, ça, tu passes ton temps dans des trappes, dans des trappes aériennes. Puis tu te promènes là-dedans à quatre pattes, ben, en petit bonhomme, pour trouver ton chemin, là, finalement. Puis il y en a qui arrivent dans ces trappes. Il y en a partout, là. Fait que c'est ça. J'ai tout. Mais en tout cas, c'est réaliste, mais j'aurais aimé. Ouais, c'est sûr. Qu'il me donne un coup de main. Ben, en tout cas, avec un papier à côté, je prenais des petites notes, là, tu sais. Puis, en tout cas, je me souvenais d'où est-ce qu'il fallait aller à peu près. Fait que c'est ça, l'émission, c'est ça, délivrer des prisonniers, aller souder des portes. Ouais. Genre, le soudage de portes va revenir dans Infestations, d'ailleurs. On en parlait tantôt. Mais c'est drôle, il y a des liens entre les deux, là, vraiment. Puis, quoi d'autre? Aller tuer des gros aliens, aller péter des œufs d'aliens, là, des incubateurs, là, à terre, là. Puis aller souder des tuyaux, des pipes, tu sais, qui sont scrap, aller ramasser des power truc pour aller le mettre dans un ordinateur à une autre place. Mais ce qui est un petit peu, ça c'est cool, mais ce qui est un petit peu plate, c'est qu'à travers les 6 stages, c'est les mêmes missions qui reviennent sous d'autres noms, tu sais, puis dans d'autres lieux. Mais des lieux qui sont très semblables, là. Mais les stages à l'intérieur sont diversifiés. À un moment donné, t'es à la surface. À un moment donné, t'es dans le feu. À un moment donné, t'es dans un alien corridor, tu sais, plein d'aliens dégueulasses. T'es dans une place où est-ce qu'il y a des cellules. T'es dans le medic room, dans le weapon room. Il y a de la diversité. Excuse, mais à chaque stage, c'est ces mêmes tableaux-là qui reviennent, mais tweakés autrement. Puis il faut que tu fasses un peu la même affaire, mais à travers, tu sais. Fait que c'est comme refaire les mêmes affaires pendant 6 stages, mais tout le temps un peu plus dur. Fait que pour ça, c'est un petit peu redondant. Mais quand c'est même. Ça, tu disais pas, le jeu, en passant, ça ressemble bien gros à un type de contrat, tu sais. Ouais. Un peu dans le même genre, tu sais, tu te promènes de gauche à droite avec ton gun, puis tu plombes. Ben, la seule affaire que je me souviens pas, parce que ça fait trop longtemps, Est-ce qu'il y avait la musique était cohérente aussi? Ouais, on va y revenir. Est-ce qu'il y avait un nombre de balles là-dedans? Est-ce que tu avais des missions? Le gun là-dedans est un côté très, très, très agréable du jeu. Parce que tu as le gun classique de Aliens, là, apparemment. Moi, je m'en souviens pas. Ouais. Là, j'ai vu ça il y a longtemps. Donc, tu as un gun, mais qui fait trois choses. Tu as un lance-flamme, tu as une mitraillette, puis tu as une espèce de... Je sais pas comment le dire. Là, quand tu payes sa gâchette, ça fait pouf! Puis un petit missile petit là, qui part, qui c'est tombe à terre. Un lance-grenade. Un mini lance-grenade, ouais. Mais tu sais, ça lance pas des grenades, c'est fait sur le long. Là. Oh, c'est comme une baguette là, qui sort, puis là, ça rebondit un peu, puis ça finit par sauter. C'est très puissant. Alors, tes boutons sur ta manette, encore une fois, bravo, la manette de Super Nintendo, c'est pas au Genesis qu'on aurait pu faire ça. T'as tes trois boutons, les trois boutons tirent des trois sortes de balles que t'as envie de tirer en tout temps. T'sais. Des fois, t'as des œufs incubateurs, tu vas les shooter au lance-flamme, parce que ça se pète bien au lance-flamme, des petites guenilles à terre, des tirs à mitraillette, des gros aliens. Tu arrives d'en face, tu tires des petites roquettes, là, deux, trois, ça fait la job. Vraiment, les guns sont adaptés à toutes les situations. Là. C'est vraiment cool. Fait que tu ramasses de la life, tu ramasses aussi du hameau un peu partout là, pour te... parce que ça, t'en as pas à limiter de ça. Oh oui. Puis, c'est ça. Une affaire aussi que je trouvais un petit peu plate, c'est qu'à travers toutes ces aliens-là qui croisent ton chemin, il y en a des petits par terre. Ben, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est difficile à pogner. Faut que tu marches en petit bonhomme puis que tu avances souvent. Fait que tu te retrouves souvent, puis tu marches pas vite en petit bonhomme, là, donc je trouve ça un petit peu plat d'être obligé d'être penché tout le temps, ça ralentit le jeu. Mais encore pire que ça, le pire du pire défaut de ce jeu-là, c'est le respawning. Il y en a, mon gars, là, les bébites, ils reviennent, là, tu fais juste faire avancer l'écran un petit peu, là, tu viens de tuer un gros Chris d'Alien avec trois roquettes, là, puis ils donnent pas les roquettes, tu sais. Là, tu te reviens d'abord, il revient tout de suite, tu sais, c'est vraiment poche, là, tu fais rien que tirer tout le temps. Ouais. C'est le fun de tirer, mais à un moment donné, là, donne-moi une chance, là, fallait revenir quand je vais loin, tu sais, ou fallait pas revenir pantoute, je sais pas, mais vraiment, là, le respawning est vraiment hardcore là-dedans, puis ça a tué, là, ça tue pas le jeu, là, mais... Vraiment, là, il aurait dû penser à ça un peu plus. Ouais, c'est vrai. Fait que ça fait un bout, là. C'est quelle année, c'est ça? 93. C'est ça. Ah, ça fait un bout. Mais c'est ça. Puis ce qui est drôle aussi, vu que c'est fait par Acclaim, puis tu sais, Acclaim ont fait Mortal Kombat, puis Batman Forever. Puis tu sais, Mortal Kombat, le personnage, quand la bataille va commencer, il y a un genre de petite façon de se dandiner, tu sais, puis une façon de bouger. Puis, Batman Forever, si tu joues à ça, Batman, il bouge comme un personnage de Mortal Kombat. Puis l'animation. Oui, il y a une tweet de même. Puis l'animation du personnage d'Alien est faite de même aussi. L'articulation, la façon qu'elle s'élance, puis qu'elle saute. Tu vois que c'est le même pattern, le même système de sprite qu'ils ont pris pour les personnages. De tous les jeux d'Acclaim, probablement, de l'ère du Super Nintendo. On a bien réussi pour celle-là. Fait qu'on... Ben, en tout cas, ici, ça marche très bien parce qu'à saute, là, c'est très, très beau la façon qu'elle est articulée. Puis des fois aussi, tu t'accroches au plafond à deux mains, tu sais, pour il y a de la lave en dessous. Puis tu tiens une main, puis tu tires du gun en même temps, à gauche, à droite, dans tous les sens. Fuck, ça marche, là, super bien. C'est vraiment, pour ça, c'est top-notch, là. Fait que, dans le fond, c'est ça. Quoi d'autre, trois guns? Des passages secrets à des places aussi, il faut checker ça un peu. Puis, t'as un radar aussi qui est complètement inutile. Parce que des fois, quand tu soudes quelque chose, tu te sers de ton comme lance-flamme pour souder, fait que ton radar apparaît automatiquement pour te dire s'il y a des aliens proches. Mais t'en as pas besoin, il y en a tout le temps, des aliens proches parce qu'ils respawnent tout le temps. Fait que c'est ça, tu sais. Moi, je l'enlève, le radar, puis il fait tout le temps bip, bip, tu sais, ça m'énerve, là. Ouais, c'est pas. Contrairement à Infestation, tantôt je vais y revenir, le radar est très important, là, mais là-dedans, là, c'est vraiment de la merde. Donc, quoi, c'est ça. En gros, moi, c'est très beau. Mais ça, c'est ça, parce que moi, ça fait longtemps. Moi, j'ai joué à la sortie du jeu. Je me souviens que je l'ai loué deux, trois fois, puis je l'ai fini, puis ça a fini. Ben, c'est pas facile à finir, mais non, c'est long, pareil, faire un... T'as, mettons, 6, 7, des fois moins de missions dans un stage, puis les missions te prennent du temps, pareil, parce qu'il faut que tu back and forth, puis des fois, il faut que tu ailles assez d'autres portes, ça te fait sortir à d'autres places, faut que tu fasses attention, faut que tu marches à quatre pattes. Fait que ça peut être un peu long, là, mais t'as des passwords à chaque stage. J'aurais aimé qu'il y ait des passwords pour les sections d'émissions. Ouais. Parce que si, mettons, tu l'as fait la moitié, ou un save, tu sais, quelque chose. Parce que si tu as fait trois missions sur six, puis tu fermes ton Super NES, tu vas recommencer avec ton password, il faut que tu fasses les six. Mais il souffre dans ce temps-là. Ce jeu-là, il aimait ça que tu souffres vraiment. Genre de jeu, il faut que tu laisses sur pause la nuit, pour pas perdre tes affaires. Les machines faisaient pas de bruit, c'est ça, ça surchauffait. Il n'y avait pas de ventilation ni rien de ça. Mais les passwords sont drôles, tu sais, parce que c'est vraiment des mots. C'est Squirrel, backslash, tu sais, c'est des mots comme ça, là. Des affaires que tu peux te souvenir. C'est des. Bon, tu te souviens ça, Question, genre, c'est pour le deuxième stage, là. Fait que ça, c'est vraiment simpliste. Puis, c'est un jeu qui est très, très, très, très beau, là. L'environnement est très beau. C'est vraiment beau. C'est parfait pour ça. Puis, ça la musique. Ça fait penser au jeu de LucasArts, mais franchement. Ouais. Star Wars, c'est... Non. Ouais, ben, les Star Wars qu'il y a eu sur les Super NES. Star Wars, ouais. Tu sais, c'est un peu dans le même genre, de gauche à droite, un personnage d'une assez bonne grandeur, il y a bien des dégradés, il y a du détail. Il y a beaucoup, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de détails. Là. Moi, ça me frappe, puis c'est riche. Puis ils réussissent à capturer, à faire une ambiance claustrophobique, comme tu disais, où est-ce que c'est un peu désespérant, encore une fois, avec la musique, il y a de la marde partout. Tu sais, tantôt, t'étais dans les tuyaux, la musique. Ouais, c'est ça. Ben, je vais en mettre un peu de musique. Je vais vous mettre un petit deux tracks, là, vite fait, là, parce que moi, ça me fait. La musique est vraiment bonne. La musique est vraiment trippante, là, dans ça, ici. T'sais, t'es dans 4 pattes, chaud des aliens, là, Chris, t'es à moitié mort. Non, c'est malade, là, sans la détresse. Il y a une détresse dans cette traque-là. C'est l'invasion, là. Évidemment. Ben, cette musique-là te met dans le beat, c'est ça, même si c'est redondant. La musique, elle change à chaque mission, en fait. Donc, c'est le fun. Tu te dis, oh, ben, cette mission-là, c'est quelle musique qui va revenir? Il y en a, quoi, 7-8 à peu près? Ouais. C'est jamais les 7-8 mêmes, mais random. La musique te pousse dans un jeu. Ah, ouais. Jeux, dans ce temps-là, là-dedans, là, la musique te pousse au max. Parce que moi, Megaman, c'était un peu ça. Tu sais, t'es comme, yes, j'y vais. J'en ai des frissons, là. Ça y passe. Ah, ben, oui. C'est malade. La musique te pousse là-dedans. Attends, voilà un autre qui est pas pire. Totalement. C'est long, là. C'est pas juste un loop, là. C'est vraiment... C'est du skinny poppy. Ouais, c'est ça, c'est du skinny poppy. Ça torche au max. Wow. Là, juste pour ça, ben moi, jouer à ce jeu-là, vraiment, parce que la musique puis l'ambiance, là, c'est dans ce que... C'est très réussi. C'est totalement réussi, puis ce jeu-là me marque pour ça. Puis, dernière petite chose en finissant, pour ceux qui ont écouté Aliens, à la fin, il y a de quoi de drôle quand t'es Game Over dans Alien 3 au Super NES, là, ça dit « Game Over, man! » Puis j'avais jamais catché, tu sais, quand j'étais petit, j'étais comme « Ah, oh, c'est dark, tu sais, je suis mort, puis là, seulement « Game Over, man! » Je comprenais rien. Je vais vous le mettre ici, là, ce que ça Game dit. « Game Over, man! Game Over! » C'est ça. Mais dans Alien 3 au Super NES, écoutez ça. Là, c'est dark, tu sais, puis là... Game over, man! Mais je comprenais pas c'était quoi la gimmick, mais là, maintenant, écoutons Bill Paxton dans Aliens 2. Well, that's great. That's just fucking great, man. Now what the fuck are we supposed to do? We're some real pretty shit now, man. You finished. That's it, man. Game over, man. Game over. Et voilà, j'ai trouvé la réponse à ça. Donc, un jeu vraiment pas cher, puis un jeu génial, bien agréable, et c'est ça. Puis au prix qui est, là, si vous le voyez, vous l'achetez tout de suite, qui est juste pour vivre dans cet univers musical effrayant et vous faire torcher à la face. Ouais. now? What are we gonna do? Maybe we can build a fire, sing a couple of songs, huh? Why don't we try that? We better get back, because it'll be dark soon, and they mostly come at night. Mostly. Moi, je voulais aujourd'hui, après la discussion qu'on a eue la semaine passée... Tu voulais me ramener à l'ordre. Oui, je voulais te ramener à l'ordre. C'est comme, hey, ça va faire, là. Je veux que tu peux te montrer qu'il y a des jeux sur iOS qui peuvent facilement rivaliser avec les jeux de console. Puis j'en ai deux aujourd'hui, des adversaires de taille, mais surtout des jeux récents, parce que ça vient tout juste de sortir. Le premier, c'est Dark Meadow. Dark Meadow, s'il y en a qui ont joué à Infinity Blade, qui est le jeu de plus grande qualité qui existe sur iOS, il y a ça, puis évidemment Dead Space aussi sur iOS, qui est très, qui a une très grande qualité. Bref, ce qui arrive dans Dark Meadow, c'est qu'on est pris... on se réveille dans un espèce d'hôpital délabré, massacré, puis... on ne sait pas où on est exactement. Finalement, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de petite fille evil qui est là, une espèce de petite fille diabolique, blanche. Puis on voit sa lueur, puis on essaie d'aller la chercher. OK. Fait que... Moi, j'aurais comme tendance à vouloir m'en éloigner. Ben, c'est ça, tu sais. Moi, je voudrais sacrer mon camp. Au max, là. Je voudrais briser une fenêtre pour sortir de là. C'est ça. Mais, tu sais, tu te réveilles dans l'hôpital, puis tu sais pas trop où t'es, puis pourquoi t'es là. Puis là, il y a une espèce de bonhomme en chaise roulante qui dit, « Ah, ça fait des années que je suis ici, je suis pris ici. Mais là, on est pognés ensemble, fait que tu vas m'écouter, puis tu vas... » Tu vas essayer de te battre contre les ennemis. Fais attention, il arrive, cache-toi, tu sais. Puis là, okay. Tu capotes, t'entends ta respiration. C'est un peu genre de survival horror. Ben, totalement. Fait que, tu sais, t'es dans des couloirs, puis il y a des bébites qui apparaissent. Puis ces bébites-là, ben, il faut, t'es en vue à la première personne. Puis bon, des fois, ils essayent de te vomir dessus. Okay. Fait qu'il faut que tu te tasses, il faut que tu esquives les coups. Ça te fait du poids quand ils te vomissent dessus? Ou oui, ça t'enlève de l'énergie. Ça te transforme pas en... Non, ça te transforme en rien. Pas, tu restes totalement correct. Okay. Là. Ça te fait juste un peu mal. Puis quand les ennemis sont loin puis qu'ils approchent vers toi, tu as une espèce d'arbalète. Puis avec l'arbalète, ben tu tires avec ton doigt puis tu relâches. Puis ça va lancer des flèches. Okay. Fait que... ça commence comme ça, puis après ça, l'ennemi arrive proche, puis là, tu sors ton épée, puis là, tu commences à frapper. Mais comment ça, t'es dans un hôpital, comment ça, t'as des arbalètes puis des épées? Ben exactement, c'est que si tu veux finir par comprendre l'histoire, puis tu sais à quel point moi, je suis fan des histoires, ouais, toi, des jours d'épargne, je tripe là-dessus, ben réelle. Fait que si tu veux vraiment connaître l'histoire de Dark Meadow, il faut que tu cherches dans les archives, les déchirures de journaux, puis tout qui se retrouve un peu partout dans l'hôpital. Hey, bon, tu dois pas avoir fait ça. Hein? J'ai pas fait ça. J'ai commencé à le faire. Là, je me suis dit, ah, je vais me forcer, tu sais, c'est pour la critique. Mais moi, si tu me donnes pas l'histoire au début, là. Même s'il te la donne au début, hein. Ah, même c'est, quand c'est il me la donne. Pas start. C'est une chose au clair quand même. Si ça m'intéresse, si le setting est intéressant, puis tout, oui, ouais. Je vais m'intéresser à l'histoire, mais là. Tu sais, ça n'est qu'une tête. T'arrives, puis t'es déjà dans l'hôpital. Tu sais pas pourquoi t'es là. Le film d'introduction au jeu te l'explique pas non plus. Fait que, tu sais, ça, j'ai trouvé ça vraiment poche. Tu sais, c'est... Tu le sais pas, mais en même temps, t'as pas nécessairement le goût de le savoir. T'as juste le goût de battre des bébites d'un corridor. Fait que, tu sais, l'univers va t'en donner si tu y en donnes, si tu donnes du temps au jeu, mais si tu y en donnes pas... Oublie ça. Okay. Moi, je pense que la meilleure façon sur un jeu iOS comme ça, c'est de faire comme Infinity Blade, puis de se forcer sur le gameplay au départ, tu sais, la jouabilité. Parce au lieu que de l'exploration, puis tout ça. Ouais, parce que l'exploration, surtout dans un jeu comme ça, ça sert plus ou moins à quelque chose. Tu sais, je me dis, avec la qualité du graphisme de ce jeu-là, parce que le jeu en passant est superbe, là, c'est sa plus grande force, c'est vraiment. Quand j'ai vu la bande-annonce de ce jeu-là, je me disais, ben voyons, non, c'est pas sur iOS, ça, là. Ouais. C'est trop fort, tu sais. Mais non, c'est sur iOS, puis ça fonctionne bien. Pour avancer dans les couloirs en passant, on a des cercles verts qui apparaissent, puis on tape dessus pour avancer. Okay. Ça fonctionne bien. Au départ, j'étais pas trop sûr de ce contrôle-là, mais ça fonctionne bien. Puis si tu veux te tourner, ben tu bouges avec ton doigt dans l'écran, puis tu vas pouvoir te promener dans l'environnement, voir qu'est-ce qu'il y a autour de toi. T'as aussi une carte de ce que tu peux voir. Des fois, sur les murs, dans l'hôpital, tu peux avoir une petite carte. Okay. Mais c'est impossible de s'y retrouver, vraiment. Là, il y a trop d'affaires qui se passent. Puis, mais y a-tu d'autres choses là qui a marché puis des monstres qui t'apparaissent dans la face? Ben non, c'est ça le jeu. Ouais. Fait que tu sais, c'est dans Infinity Blade. C'est des duels là-dedans. Dans Infinity Blade, c'est des duels comme ça. Eux autres, visiblement, ils ont joué à Infinity Blade puis ils se sont dit, on veut faire ça. Eux autres, c'est Phosphor Game Studios, un studio que je connais pas. OK. Puis eux autres, ils ont vu le jeu, ils se sont dit, on est bon en 3D, on va faire un jeu avec la même expérience. Mais c'est ça, le gameplay est pas super bon. OK. Parce que dans Infinity Blade, tu sens que tu as de la force avec ton arme. Ouais, tu sens que quand tu sors ton bouclier, tu l'as. T'sais, là-dedans, tu n'as pas de force. Tu es comme un monsieur, madame, tout le monde. Fait que tu te fais t'approcher. Tu essaies de battre avec ton couteau, mais ça prend une éternité avant qu'il tombe. Fait que Le jeu ne donne pas le goût de l'aimer au départ. T'sais, c'est trop long pour abattre un ennemi. Ouais. Tu n'as aucun feeling de puissance là-dedans. Il a tiré genre 7 flèches tantôt. Ouais. Là, puis après ça, le monstre s'est envenu. Puis après ça, il faut que tu sortes ton couteau. C'est ça. T'sais, ça aurait été le fun au moins peut-être de te donner des candies, t'sais, puis qu'il y en ait qui soient moins difficiles à abattre. Ouais. Puis encore là, je dis ça difficile, même pas qu'il soit moins long à abattre. Parce que ça a pas l'air c'est super facile. T'sais. Ouais. C'est très facile, puis à un certain point, ça devient un petit peu plus difficile, mais les techniques dans ce jeu-là, je veux dire, t'esquives à gauche, t'esquives à droite. C'est tout. C'est pas mal tout. Puis des fois, il faut absolument que tu esquives dans la bonne direction pour éviter. C'est comme un punch-out, hein? Ouais, vraiment. T'sais. Tu punches, tu tasses, puis là, man, tu contre-attaques sauvagement, puis il faut que tu le fasses du bon bord. Tu sais, tu tasses lentement, tout est lent. Fait que, tu sais, j'ai trouvé que là où Infinity Blade a performé, eux autres, ils ont complètement raté. On dirait vraiment qu'ils se sont forcés sur le graphisme du jeu. Puis là, tu sais, je te dis ça, je te disais, hey, aujourd'hui, je t'amène des bons jeux de Heroes. Ouais, on dirait que c'est pas ça. Là, je t'amène une boîte, tu sais. Mais c'est que Dark Shadow peut facilement, tu sais, quand on voit ça, on voit tout ce qui est possible de faire avec cette plateforme-là. Là. Je veux dire, c'est quelqu'un aurait fait. Visuellement. Oui, visuellement, tu sais. Je veux dire, quelqu'un aurait décidé là, de faire un jeu comme ça, là, de sortir un shotgun à la place, ça aurait fonctionné aussi. Ouais. Tu sais. Entre autres, moi, je joue à Rage HD sur la plateforme iOS, qui est un first-person shooter. Il fonctionne super bien, qui est très, très, très, très beau. Fait que ça fonctionne, puis c'est possible, là, des jeux de même sur une console comme ça. Sauf que Dark Meadow, regarde, c'est un jeu qui pèse 835 MB. C'est un jeu qui coûte 6$ sur l'App Store. Ta. Et puis, mais tu sais, en même temps... C'est 6$, tu sais, c'est pas si peu que ça. Non, mais ça, c'est faut que tu le compares aux autres, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est faut que tu le compares aux autres, mais tu sais, Infinity Blade, il a commencé à 10$, tu sais. Ouais. Puis présentement, il est 5$, tu sais. Mm-hmm. Fait que, mais c'est un jeu d'une grande qualité, fait que tu peux payer ça, non, surtout que tu paierais ça, tu sais. Il y a des jeux, là, des DSiWare ou des mini sur. Ou des petits jeux de XBLA. Qui valent pas la moitié de ça, puis qui finalement, ben, ils vont te coûter 10$, tu sais. Ouais. Fait que Dark Meadow, je dirais, s'il descend à 2$, très intéressant. Tu sais, okay. Si vous aimez les survival horror, quand même, si tu t'investis dans le jeu, plus t'avances, plus ton bonhomme va monter en force. Ah ouais? Ah, ben, ça, va être meilleur, puis tout ça. Fait que, tu ramasses-tu des items, quelque chose? Ouais, ouais, ou... tu ramasses des items, puis tu mets ton personnage à niveau sans arrêt. Tu ajoutes de la santé, de la force, puis tout ça. Okay. Fait que, tu sais, tu commences, t'es excessivement faible. Ouais, ouais. Mais c'est ça, c'est juste que il y a beaucoup de jeux qui sont comme ça. Faut pas se décourager quand on est faible au début, parce que il suffit juste d'un peu de farming ou un peu de patience. Là, c'est ça, sauf que... Ça, ça prend tout son... Sauf qu'il faut que ta base, quand même, soit intéressante. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, l'affaire, c'est que là, eux autres, oui, ça prend, ça prend du temps à monter, mais dès le départ, je battais mon premier monstre, puis j'étais comme... Ah, c'est plate! Ouais. Tu sais, je trouvais ça plate. Tandis qu'à Infinity Blade, j'étais vraiment pas fort au début. Je fais mon premier combat, je fais ah, ça, je suis là, là. Je lâcherai pas ça, moi, là, tant que ma batterie est pas à terre, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est ça, c'est là que Dark Meadow, c'est pas bon parce que il commence le jeu, puis ils te mettent pas dedans en te mettant pas, mettons, un film qui t'investirait dans l'histoire. Ils te mettent pas non plus un gameplay écœurant au départ. T'sais, j'aurais mis des bébites peut-être moins fortes que tu knocks mon gars en deux, trois coups. Tu dis, OK, quand même, tu sais, je suis capable, puis il y a de quoi qui se passe, mais là c'est juste c'est trop long. Puis la musique est quand même réussie, c'est plus une espèce d'ambiance sonore. Puis ce qui va arriver quand tu vas trouver la petite fille, parce que tu cherches la petite fille tout le long, tu sais, tu vois une lueur dans le fond, tu fais comme OK, je m'en vais là. Fait que là tu t'en vas là, tu t'en vas la voir, puis si tu réussis à l'attraper, tu vas te battre avec. Un peu comme dans Infinity Blade, on faisait avec le grand boss d'Infinity Blade. À la fin, tu essaies de le tuer, puis si ton bonhomme n'est pas assez élevé, pas assez fort, tu te fais tuer, okay. Tu recommences au début. Fait que là, c'est ça, c'est tu t'essayes de la battre, puis au début, tu te fais knocker. Fait que là, tu te réveilles dans ta chambre encore, puis là, tu as le petit vieux qui te dit « Ah, je te l'avais dit, mon gars, t'es pas encore assez fort pour t'affronter à elle. Okay. Faut que tu fasses attention. » Fait que, tu sais, côté histoire, on voit qu'il y a un gros travail qui a été fait, puis tout, c'est juste la façon que c'est apporté, ça nous met pas dedans, puis ça nous donne pas le goût de continuer. Fait que je dirais, attendez que le jeu baisse de prix, parce qu'il va baisser de prix, parce que il est arrivé sur le store, puis il n'y a personne qui a porté attention à ça. Ouais. Il n'y a personne qui en a entendu parler. Puis là, il est rendu peut-être sur une centaine de jeux, il est rendu à peu près niveau, il est peut-être aux 70e position. Fait que tu sais, il est vraiment en train de descendre, puis normalement, les compagnies comme ça, qui ont visiblement passé énormément de temps à faire leur jeu, ils veulent pas que ça tombe dans l'oubli. Fait qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'il va sortir à 99 sous. Okay. Je vous le dirai sur Retro Nouveau, sur notre Twitter, mais... c'est un jeu quand même à essayer, puis je veux dire, vous allez voir la bande-annonce, c'est impressionnant, fait que... Ben oui, je veux savoir, what's up avec le vieux chef, là, il reste tout le temps à côté dans la chambre? Lui, il reste là, il est dans la chambre, puis... Il bouge pas de la chambre, j'ai pas fini le jeu, fait que je sais pas s'il finit par se sauver ou si on finit par se sauver ensemble, mais avec mon expérience de ce genre de jeu-là, ça doit finir avec une espèce de petit film ou une espèce de petit épilogue en texte. Puis on le verra pas partir parce que le petit vieux en plus il est en chaise roulante. Fait que je pense pas qu'il make a run for it. Puis là il roule, mon gars, puis tu le roules jusqu'à dehors. Je pense pas que c'est ça, ce serait assez pittoresque. Tu sais, ce serait tout de Benny Hill. Fait que je suis pas sûr. Fait qu'en tout cas, bref, Dark Meadow, très intéressant à première vue, mais achetez pas ça tout de suite, c'est pas le temps. Ça a pas l'air fameux, je trouve. Non, mais ça va être écœurant quand j'ai regardé le trailer. Puis, parce que as-tu vu le trailer? Non, je l'ai pas vu. Le trailer, il est mongol, mais. Tu sais, quand tu tombes là-dessus après, ça te fait. Mon autre jeu est dégueu. Ouais, ça, j'ai hâte que t'en parles parce que ça pique ma curiosité. OK, donc la grande surprise quand du jeu que j'arrête pas de nommer depuis une semaine, me semble, Aliens Infestation, que je suis allé acheter au EB Games. En fait, c'était ça que je voulais acheter au EB Games en premier quand j'ai acheté mes deux Kirby. Oui, oui. Puis, tu sais, on parlait de comment j'ai fait un fix sur Renegade Ops, tu sais, que je voulais ce jeu-là. Oui, ouais, si tu voulais. Ben, c'est la même affaire. C'est la même affaire. Je voulais aller avoir ce jeu-là. J'ai fait des téléphones parce qu'il est dur à trouver. Ouais. Ça, c'est bien, ça. Parce qu'il est bon, puis il est dur à trouver, puis il est bien coté. Ben, donc, il va prendre la valeur. Il y a qui l'a vraiment beaucoup absolument. Couvert. C'est mais pour ça que je suis seul, tu sais. Les autres ont comme. Sur Metacritic, il n'est pas si pire. 75. Mais ça avait l'air d'un bon jeu, mais je dis que les critiques n'en ont pas beaucoup parlé. Non, c'est ça. Passé dans l'ombre. Absolument. Puis c'est pour ça que je voulais aussi l'avoir, parce que je sais qu'il va prendre de la valeur. Puis c'est un bel item pour ma collection. Donc, j'ai fixé. Je pense que c'est le même que j'achète mes jeux, moi, par fixe. Ouais, c'est ça. Je suis comme un bug dans ma tête, puis ça me prend le truc. En tout cas. Fait que je suis allé chercher ça mardi soir, puis j'étais très content. C'est un jeu de Way Forward. Ouais. Excellent, encore une fois. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi, puis dans ma vie présentement, mais à Boy and His Blood, t'es Way Forward. Shanté, t'es Way Forward. Ça, c'est Will Warren. Puis, il y a la série que je t'ai parlé cette semaine, Mighty Flip Champs. C'est une série de trois, ça. Il y en a un nouveau volet qui va sortir. C'est le Will Forward. Chris, c'est en hâte, eux autres, là, pareil. On dirait que je les découvre présentement et que j'ai envie d'acheter tout ce qu'ils font. Mais c'est les kings de l'animation, vraiment. Ouais. Puis là-dedans, ça ressort dans chaque voix, totalement. Puis, c'est dans le fond, c'est, c'est développé par WayForward, mais c'est publié par Sega, c'est ça qu'on dit? Oui, donc, aussi, Sega, je sais pas pourquoi, mais Renegade Ops était un Sega, tu sais. Puis ouais. J'ai d'autres jeux de Sega que je check présentement. Les jeux de Sega sont bons quand même. Ça. Ben, ça dépend. Vanquish, t'aimais ça? Oui, Vanquish, j'adorais ça. Mais l'affaire aussi, c'est que Sega, c'est un publisher, tu sais, c'est... Eux autres publient les jeux. Fait que la plupart du temps, c'est eux autres, ils font pas. Non, comme... je sais, mais s'ils choisissent Sonic de publier. Ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est eux autres qui choisissent les jeux. Il y a quand même une certaine qualité. C'est meilleur que Capcom, c'est meilleur que EA. Ouais. Mais ça, encore là, ça dépend. Ces gars vont souvent se retrouver avec des 7.5. Ouais. J'ai remarqué ça. OK. Mais on aime ça, les 7.5 quand même. Ouais, on aime ça, on l'a dit. Hein? C'est pas grave. Mais par exemple, je vais en parler. Mais aussi, attends, c'est Gearbox qui a travaillé là-dessus. Ça, c'est Borderlands. Gearbox, oui, c'est Borderlands. C'est du bon stock aussi. Donc, en arrière d'un petit jeu de DS qui sort de même, alors qu'il n'y a même plus de DS, là, c'est une grosse équipe et une grosse production. Puis, ma foi. Ça fait longtemps qu'il en parle de ce jeu-là. Ouais. Ben, il en parle parce que c'est un prémisse à Aliens, comment ça s'appelle, Colonial Marines. Colonial Marines, qui va sortir bientôt. Oui. Fait que là-dedans, tu personnifies des Colonial Marines. Okay. C'est vraiment, ça vient comme un peu donner un petit edge au prochain qui va sortir. C'est cool, ça. Fait que c'est vraiment cool. Puis, dans le fond, ça se passe, ça serait la suite un peu du film Aliens. OK. Que, moi, comme je te dis, je m'en souviens plus. Là, le gros vaisseau spatial, Sulaco, j'ai oublié son nom. Je me souviens plus du nom. En tout cas, ça se passe en grande partie là-dedans. OK. Donc, côté histoire, là, ça se rattache à ça. Donc, vous serez avertis. Moi, il aurait fallu que je regarde les films. Donc, c'est ça. Ce que tu fais... Si t'es pas intéressé à l'histoire, là... Ben, je me suis quand même intéressé... Si t'es pas intéressé au film, t'intéresses juste à l'histoire quand c'est dans un jeu. Moi, là. Non, mais je pouvais pas me clencher des films en plus de jouer à ça. Là. Mais je me suis renseigné. Quand même. C'est pas grave si t'as pas vu le film non plus. Là. Non, je l'ai vu, ça fait longtemps. Mais, c'est ça. Donc, j'ai quand même appris que, dans le fond, le premier film, c'est Alien. Oui. Le deuxième, c'est Aliens. Et le troisième, c'est Alien 3. Resurrection. Puis c'est Alien 3. Après, Resurrection. Puis il y a un autre Alien, là, bâtard, là, qui est sorti au travers, en tout cas. Aliens, oh no, not again. Parce que vraiment, là, ça s'étire. Ouais, ça s'étire trop. Ils vont en faire un autre en plus tout à l'heure. Ah ouais? Ouais. Ah, ça étire. C'est pas une bonne idée. Fait que, en tout cas, ce jeu-là, on va en parler. C'est un Metroidvania. Ouais, comme on l'a déjà expliqué, c'est un jeu 2D vraiment qui a du backtracking puis mm-hmm. tu débloques des affaires. Donc c'est ça. Puis c'est vraiment beau. Donc tu commences dans le vaisseau, ambiance spatiale, là, tout vraiment l'intérieur d'un vaisseau spatial. Ouais. Puis t'es un Marine. T'en as quatre, en fait. Okay. Puis, t'as tout le temps quatre Marines, t'as quatre life. Puis, t'as un commandant qui t'appelle à la radio, comme Metal Gear, un peu, là. Ça apparaît, là, tu y vois la face, puis là, il crie, tu sais, ce qu'il a à dire. Là, il te donne une mission, tu sais. Puis là, après ça, tu vois la face du Marine que tu utilises présentement, il dit, OK, je vais faire la mission, voilà. Mais il y a beaucoup de dialogues comme ça, tu sais. Des fois, ça vient un peu chiant, tu sais. Moi, j'avais envie de starter, mais en même temps, je voulais savoir qu'est-ce qu'il se disait, parce que je voulais savoir qu'est-ce que j'allais faire. C'est important, l'histoire, là. Ben, non, moi, j'aime lire l'histoire. Fait que je voulais savoir dans quoi je m'embarquais. Enfin, mais j'ai trouvé ça un peu lourd, tu sais. Puis des fois, t'es perdu. Puis j'aurais aimé pouvoir appeler le colonel comme à Metal Gear puis demander peux-tu m'aider un peu là parce que je suis dans la merde, mais tu peux jamais l'appeler, tu sais, c'est lui qui t'appelle, fait que tu te démarres. C'est de même, ton boss le colonel. Ouais, je sais bien, mais en tout cas il pourrait nous aider aussi là. On est quand même dans crise de merde avec des aliens partout autour de nous autres là, tu sais. En tout cas, je l'ai trouvé un peu poche là-dessus. Donc il donne des missions, tu es à travers cette espèce d'énorme vaisseau spatial pour commencer, puis il te pointe sur ta carte un petit point vert, fait que là mettons va chercher un prisonnier là, tu sais. Okay. C'est comme Alien 3 un peu, là, tu sais. Fait que va chercher ce prisonnier-là. Là, tu passes à travers le chemin, puis tout. Puis quand tu réussis à aller le chercher, là, mettons, ça brasse de la merde, il y a quelque chose qui arrive, puis là, il t'envoie à une autre place. Fait que il te fait naviguer un peu à travers le stage, comme ça. Puis il y a quand même une histoire plus profonde. C'est qu'il y a comme dans ce vaisseau spatial-là, il y a comme un cargo de aliens. Qu'il y a un gars qui veut livrer sur Mars, tu sais, pour utiliser les aliens pour faire des armes, tu sais. Okay. Puis nous autres, finalement, on se rend compte de ça, puis c'est pas correct. Okay. Fait qu'on décide de, genre, mettre tous nos principes de côté, là, mm-hmm. puis devenir un peu anti-ordre, puis avec le colonel, puis on essaie de fucker le chien, tu sais, pour pas que ça arrive. Et anyway, le colonel, il t'appelle pas. Okay. Ben, il t'appelle pas, mais tu sais, il est quand même là, il est d'accord avec toi. Là. Ah, il est d'accord avec toi, OK. Il est d'accord avec toi, là, le okay, colonel. Il est tombard, il est tombard, oh, oui, okay. oui, il dit quoi faire, tu sais. Okay. Mais c'est ça. Donc, c'est un peu ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu... comment est-ce qu'on dit ça, donc? Pas faire une mutinerie, là, mais... En tout cas, il faut que tu chies le plan de l'eau. Donc, tu vas te promener là-dedans. Ben, encore une fois, là-dedans, tu as ton gun de base ouais. sur lequel tu ramasses, tu peux attacher un truc pompeux comme à Alien okay. 3 qui tire une petite roquette. Oh, nice! Fait que tu as un gun qui fait ça. Et puis, c'est tout t'es pas dans le même gun. Tu ramasses d'autres guns éventuellement un peu partout. Okay. T'as un autre, c'est un 12 pompeux, pouf, oui. c'est génial. Puis t'as un lance-longue que tu ramasses. Fait que c'est toutes les mêmes armes que dans Alien. Ah, yes. Tu peux pas avoir un Alien sans lance-longue. Absolument. C'est possible. Puis t'as une espèce de grosse espèce de rifle de feu, là. On dirait un gun d'hélicoptère, là. Ça tire. Ah oui, à deux mains. À deux mains. Oui, et là, dans le film, ça aussi. Oui. Ah, ben tu vois, il y a ça. Mais ça, dans tous les bons films, de ben, justement, Commando Predator, ces affaires-là. Là. Ah ouais, bon vieux gun à deux mains. Un gun à deux mains. Une main sur le dessus, une main sur le côté. C'est clair. Avec la grosse chaîne. Fait que tu ramasses des balles encore, puis tu ramasses okay. la life. C'est le même principe. Sauf que tu peux pas changer de gun en jeu, parce que là-dedans, tu as des save rooms. Okay. Voilà, ce qu'il y avait pas dans l'autre Alien. Enfin. Fait que quand tu es dans un save room, tu reload, tu refais ta life, tu reprends toutes tes balles, mm-hmm. puis c'est là que tu peux choisir ton gun, okay. celui avec lequel tu veux partir, et tu peux choisir un de tes quatre Marines aussi, si tu as envie de changer. Ah. Fait que les Marines sont très cool là-dedans, parce que il y en a une panoplie, il y en a quasiment une vingtaine que tu unlock. Ah, OK. Que ça revient dans le menu du début. Avant de commencer ta game, tu peux aller voir, mettons, tes Marines. Là. Tu peux voir tous ceux-là que tu as débloqués. Tu peux en choisir. Tu as 20 personnages. La façon que ça marche, c'est que tu les découvres, tu les croises okay. en chemin. OK. Puis de la minute que tu en croises un dans le vaisseau, tu lui parles, hey, qu'est-ce que tu fais là? T'sais? Ben, c'est tout le temps la même affaire. Il dit, ah, je suis pogné ici, là. Toute mon équipe s'est faite descendre. Là, fait que là, on dit, ben, veux-tu venir avec nous autres? Mm-hmm. Mais il viendra pas si tu as tes quatre Marines. Mais si tu as un gars qui est mort, puis tu as une slot de vide, dans le fond, ouais. tu es juste 3 sur 4, ben là, il va venir avec toi. Okay. C'est le même que tu fais des vies dans ce jeu-là. Tu ramasses des Marines quand tu as des slots de vide, finalement. Okay. Fait que j'ai trouvé que c'était un beau système. Ouais, j'ai trouvé cool. ça hyper intéressant parce que chacun d'eux est très différent les ouais. uns des autres. T'as un petit noob, là, vraiment tout maigret, ouais, là, tu ouais. ce qui fait un espèce de vieux alcoolique, là, badass, là, qu'il y en a vu d'autres, là, tu sais. T'as une fille, là, noire, là, style hyper agressive, là. Okay. T'as un genre de Mexicain qui jongle avec des couteaux, là, tu sais, lui, c'est une lance de couteaux, mais ils sont tous... très haut. C'est ça. C'est marreté. Mais quand tu joues, ils sont tous pareils. Par exemple. Okay. Mais quand ils sont sur place, là, que tu les joues pas, ils ont toute leur petite position et okay. ils bougent différemment. Fait que l'univers de tous les personnages c'est est vraiment, cool, vraiment ça. Chouette. Là. Ça, ah, j'ai trouvé nice. Ça superbe. Donc, c'est ça. Puis, t'as, comme je disais tantôt, pour Alien, c'est un radar que tu gardes toujours on, très important, parce que ça te dit où est-ce que les aliens vont te popper d'en face. Okay. Parce que là-dedans, t'es vois pas venir de loin. Là. Ils sortent d'une trappe et ils t'apparaissent d'en face. Okay. C'est vraiment hot. Puis, des fois, ils t'embarquent dessus, tu sais, puis là, faut que tu pitonnes sur A pour les repousser et leur tirer une shot dans la tête. C'est ça, est-ce qu'il y a des contrôles tactiles là-dedans ou c'est ouais. juste ton pad? Non, il y en a. T'as un contrôle tactile pour le menu. OK. Donc, en bas, t'as un menu pour choisir ton gun. Ben, ton gun, il est déjà choisi, mm-hmm. mais tu peux choisir des grenades ou tu peux choisir le petit lance-roquette si t'as okay. le gun qui fit avec ça. T'as un handgun aussi qui a des balles illimitées que tu peux okay. prendre. Moi, au début, je prenais ça, tu sais, je veux dire, je peux pas gaspiller mes balles, je prends mais un handgun, oui. tu sais, pa, pa, pa, pa, pa. Hey, ça venait long, là, finalement, ouais, pour économiser les balles, fuck. Ouais, tu fais ça quand t'es dans le marde. Ouais, mais t'es jamais dans le marde parce que tu pognes tout le temps des amours, fait qu'il sert ouais. à rien, mais en tout cas, c'est le fun de l'avoir. T'as aussi des flare bombs, des tu sais, comme la police quand il y a un accident, ça ouais, route, ouais. là, une affaire rouge. Des flares, là, une affaire rouge avec des flamèches. C'est ça. Fait que dans ta map, tu peux en dropper par-ci, par-là, okay. quand il y a des choses, des places que tu peux pas passer, puis tu sais okay. qu'il va falloir que tu backtrack plus tard. Ah, parce ça que des donne fois. Des petits flags sur ta map, ouais, ouais. pour savoir où aller. Ou, mettons, il y a un Marine qui est là, tu sais, puis tu as déjà tes quatre Marines, tu peux pas mm-hmm. l'amener avec toi, tu y mets une bombe de même, puis tu sais, après ça, s'il y en a un qui meurt, ben, tu vas aller le rechercher, lui. C'est cool. C'est très pratique. Mais oui. Fait que dans ton backtracking, tu as des access cards que tu trouves. Okay. Ça te prend, tu sais, pour débloquer des ascenseurs. Ouais, il y a des ouais. ascenseurs qui marchent juste avec la carte 6, l'autre la carte 1. Okay. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu pognes une lumière pour aller dans une place qui fait noir. Il faut que tu pognes un wrench pour comme fermer des valves de steam. Okay. De la steam qui t'empêche de passer à des places. Fait que c'est un peu comme Castlevania Symphony of the Night. tu sais que tu vas aller là plus tard, mais tu peux pas y aller tout de suite. Oui. Puis à un moment donné, tu pognes une affaire que tu sais que ça te permet d'y aller maintenant. C'est comme, ah, je peux aller voir là-bas, qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est un jeu qui fonctionne comme ça. Puis ça, c'est vraiment le fun, ça. Puis écoute, le personnage est très bien animé, mais il est beau. C'est beau comment est-ce qu'il est animé, mais je le trouve un peu raide sur le sautage. Ah ouais? Il saute, là. Il retombe tout de suite. C'est un peu bizarre, ça. Mais il est quand même plus accroché à des corniches. Il est un genre de roll très pratique. Hein. Tu es en train de te battre avec un alien qui s'en vient vraiment proche de toi. Tu rolls à côté, tu te retrouves de l'autre bord. Fait que Mais non, ce gameplay, fait que ça, c'est bien pratique. Puis, t'as beaucoup de portes hein, que t'ouvres différentes. Puis il y a de quoi qui est vraiment hot aussi. Tu peux t'accoter sur une caisse, comme, t'es, comme à côté de dos, comme à Red Dead. Là. Puis là, tu mets ton gun sur dessus la caisse. Là, je fais le mouvement, vous voyez pas, mais tu tires sans regarder. Tu tires gun à l'aveuglette. C'est, à, tu tires à l'aveuglette, c'est ça. C'est super beau. Là. Puis c'est ça, les stages aussi. Il y a un deuxième côté à chaque stage. T'as comme ta carte que tu vois où est-ce que tu vas. Puis à un moment donné, tu rentres dans une trappe. Puis là, ça t'amène au côté obscur de la carte. Okay. Puis il se passe des choses dans ces côtés obscurs. Okay. Tu pognes des upgrades pour tes guns. Tes guns, ils montent jusqu'au niveau 4. Okay. Tu ramasses la life. Des fois, il y a du monde. Là, donc, ça rajoute un autre niveau à la carte que tu utilises présentement. Donc, écoute, c'est très vaste. Là. C'est très, très vaste pour un petit jeu comme ça. C'est ça, c'est un jeu qui est quand même assez long. Est-ce que tu l'as terminé? Non, c'est pas long. Je l'ai terminé. J'étais un peu déçu. Que ça, je pensais pas que ça allait être vraiment gigantesque. Bien, ça l'est, tu sais, mais... Peut-être que j'ai raté des choses, mais je pense qu'il y a trois, quatre Marines que j'ai pas vus. Okay. Parce que j'ai fini le jeu et je vois que dans mon menu où j'ai vu mon nom. Puis j'ai vu qu'il y a beaucoup d'upgrades de guns, beaucoup, que je pouvais pas prendre parce que toutes mes guns étaient déjà upgradées au max. Donc je pense que j'ai peut-être raté un gun. Ça se pourrait, ça. Mais il y a des choses intéressantes aussi. Ça devient, encore une fois, un petit peu redondant parce que là, tu es sur le gros vaisseau spatial. À un moment donné, tu vas sur une autre planète puis tu reviens sur le vaisseau spatial. Tu sais, tu vas pas bien à des places différentes. Oui. Mais ça revient redondant un petit peu pour ça. C'est un petit peu plat. Mais pour entrecouper ça, ils te font une scène où est-ce que tu chauffes l'espèce de gros Jeep tank là, comme dans Aliens. Puis là, avec ton stylet, tu contrôles le gun. Tu sais, il y a des aliens qui courent après. Fait que tu gunnes ça. Fait que ça, c'était vraiment C'est cool, ça. Puis un autre place pour couper, pour rajouter un peu de diversité, tu es dans l'espace, tu es à l'extérieur du vaisseau. Tu te mets un saut, puis là, tu marches sur la paroi du vaisseau spatial à l'extérieur. Fait que t'es comme en hyper... En apesanteur. En apesanteur, c'est ça. Tu voles un peu, là, puis c'est vraiment chouette. Un autre place aussi, un espèce de gros scanner d'aéroport. Tu sais, comme quand tu passes dedans, on voit ton squelette, là. Fait qu'il y a ça... Ça sert à rien, là, cette scanner-là. Mais ça fait juste le fun. C'est le fun quand ils rajoutent des affaires. Fait que moi, j'ai bien aimé ça. Puis, il y a des boss aussi qui sont gigantesques. Je vais t'en montrer un ici. Là. Ouais, ça, c'est une place là, qui est. Eh hey boy, OK, ouais. Ah, il est gros, là. Mais ça, c'est même pas le plus gros. Il fait toute la hauteur de l'écran. Celui de la fin, là, il est plus gros que ça encore. Là. Puis, une fois de plus, l'animation est vraiment top-notch. L'animation est super belle, là. Puis, la musique aussi, c'est pas de la musique, mais c'est de la musique ambiante. Puis ils réussissent encore une fois à te mettre là. Moi je trouve que c'est vraiment, mais c'est réussi pour la musique de DS là. Ben là, il est très rythmé parce que t'es en train de te battre contre. Ben, c'est vraiment cool la musique. Ils réussissent encore à te mettre dans un beat là, épeurant, claustrophobique, là, comme Aliens 3. Moi, j'ai fait une idée que ce jeu-là utilise beaucoup de choses de Aliens 3 sur le Super Nintendo. C'est d'ailleurs une grosse raison pour laquelle je suis allé le chercher. Je trouve que c'est un peu un hommage à comment est-ce que ce jeu-là, comment est-ce que Aliens 3 était. Donc, vraiment, pour ça, ça vaut la peine. Nice! Puis, il était de cher, ce jeu-là? Ouais, il était pris de DS, là, je pense. Là, ça fait longtemps que je pense. 39? 30. Je sais pas, les jeux de DS sont rendus à 30. Ben non, maintenant. C'est rendu pas mal à 30, les jeux de DS, qui a bien du bon sens. Là, parce que les jeux de 3DS sont pas mal tous 39. Fait que... Ben, ça fait mal un peu, pareil, de payer 30$ pour un jeu de DS aujourd'hui, on dirait. Ben, je regardais je regarde ce jeu-là. C'est pas la même sorte de game, mais... Non, vraiment pas, là. Je me dis, il y a tellement de... C'est profond, là. Il y a du stock là-dedans. Il y a du stock là-dedans, mais ce que je vois là, ça serait facilement faisable. Oui, ça serait faisable. Écoute, tu vois, c'est là le menu en bas. Tu sais, ouais. Tu passes ton temps à pitonner là-dessus pour enclencher ci, prendre tes grenades, sortir la map, remettre la map. Puis aussi, là-dedans, tu as du soudage de porte, du dessoudage de porte. Okay. Fait que pour souder, faut que tu pèses à une autre place. Puis okay. Faut que tu mettes ta lumière. Ouais, mais tu sais, imagine, t'as-tu joué à Grand Theft Auto Chinatown Wars? Moi, j'ai arrêté à Vice City. San Andreas. Là, OK, parce que sur DS, il y a Chinatown Wars, qui est excellent. OK. Bien, la version intégrale est sur iOS. OK. C'est le jeu au complet. Ça marche. Sans aucun changement. Puis ça marche. OK. Fait que, tu sais, c'est faisable. Ouais. Bien, c'est sûr que c'est faisable parce que c'est un jeu... tu regardes ça, ça a l'air un petit peu du Super Nintendo. Oh, ouais, vraiment. C'est un peu plus riche, là. Mais ah, vraiment, j'ai hâte de jouer à ça. C'est vraiment nice. Puis, c'est ça. Donc, pour finir, les crédits à la fin, là, c'était ridiculement long, là, mais okay. Tellement long. Tu sais, ils ont nommé, là, toutes les divisions de Sega, Sega Australie, Sega. Ouais, ben ça, Sega. C'est classique. Mais c'était long, là, même, j'en revenais pas. Puis au travers de tout ça, ils mettaient un espèce de tune que j'ai réussi à trouver ici. Écoute ça, comment c'est de la merde. On dirait que c'est Nickelback qui ont fait ça. Attends un peu. C'est wesh! C'est une espèce. Je sais pas si c'est une joke, là, j'ai un peu de misère à comprendre les lyrics, là, mais. Ça joue, là, pendant les crédits, là. Non, ça, c'est une joke. C'est une joke, hein? Oh, c'est une joke. J'essaie de lire, c'est qui, mais j'ai pas trouvé qui a fait ça. Je l'ai raté dans le crédit, s'il l'a pas. Non, ça, c'est... Je pense que le gars fait référence à ce que le jeu était supposé être cancellé. Ah ouais? C'est un jeu qui est passé proche d'être cancellé. Puis on dirait vraiment que c'est ça que le gars, il dit, là. Ben, c'est le livre, le jeu, là. Ouais. Ben, c'est dégueulasse, cette chanson. C'est épouvantable. C'est tellement pas mon genre de rock, là. C'est atroce. Ah non, maudit Nickelback. Ben, une dernière chose que tu... d'affaires qui est vraiment hot aussi. Tu te rappelles dans Aliens, le film, le Knife Trick? Oui. Il fait ta-ta-ta-ta-ta-ta avec le couteau entre les doigts, là. Oui. Tu le débarres là-dedans. OK. Et ils font le Knife Trick, man. Fait que t'as une main dans ton écran, tu prends ton stylet, puis il faut que tu cliques entre les doigts très rapidement. Ah, c'est cool. Il highlight la zone entre les doigts, fait que tac-tac-tac-tac-tac-tac. Puis ça fait le bruit, là. Ting-ting-ting-ting, comme sur une table en acier avec un couteau, là. Fait que c'est juste un petit plus-value. Là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un jeu totalement génial. Je suis très content de l'avoir. Je suis sûr qu'il va prendre la valeur. Puis, si vous êtes encore game d'acheter des jeux de DS, achetez celui-là. Ben oui, certain. Il n'y a pas grand-chose sur la 3DS encore. Fait que... Ben, tu vois, moi, c'est encore bon d'acheter des jeux comme ça. Moi, j'achète du DSiWare et du bon DS en attendant la 3DS, puis ça s'en vient. Ben oui, certain. Il y a de quoi à faire avec les portables de Nintendo encore. Ben oui. C'est un très bel exemple. Fait que. Enfin, là, je vais parler d'un autre jeu là, qui ressemble pas à Dark Meadow, pas en tout. Non, hein? C'est Scribblenaut Remix. C'est sorti récemment sur l'App Store. C'est Warner Bros. Qui fait ça. Ça coûte 5$. Le jeu pèse 136 MB. Ce que c'est Scribblenaut, ben, à vrai dire, il y avait eu deux jeux de Scribblenaut très, très, très, très populaires sur DS. C'était des jeux dans lesquels on avait Maxwell, un petit bonhomme qui se promène de gauche à droite, puis qui doit résoudre des énigmes. Donc, admettons, on pourrait dire s'il arrive à côté d'un arbre, puis en haut de l'arbre, il y a une étoile. Puis là, il faut qu'il ramasse l'étoile. Là, tu te dis, OK, comment je vais faire ça? Bien là, il faudrait que tu ouvres ton clavier, puis que tu tapes ce que tu veux que Max est pour arriver à l'étoile. Fait que tu pourrais lui dire, mets-moi un hélicoptère. Hélicoptère, ouais. Il va rentrer dans un hélicoptère, aller chercher son étoile. Échelle. Dans mon cas, j'ai choisi flamethrower. Fait que j'ai brûlé l'arbre, puis l'étoile est tombée en bas. Fait que c'est ça, Scribblenaut. C'est juste ça, là. Ce qui est écœurant, c'est de taper ce que tu veux faire. Tu tapes ce que tu veux, puis ça te donne des objets. Puis tu peux être hyper créatif dans ta façon de le faire. Parce que tu peux vraiment, là, tu peux donner des adjectifs à tes affaires, tu sais. Ouais, comme là, big, mettons. Big juicy steak. C'est ça, on est en train de voir, Max essaye de faire un coup de magie à des enfants devant lui, puis il y a un lion qui est là, puis il doit le faire disparaître dans une autre pièce. Mais pour l'amener à l'autre pièce, il dit je vais mettre un steak. Fait que t'aurais pu écrire steak, t'aurais pu écrire big steak. Puis là, il écrit « Big Juicy Steak ». Fait que tu voyais un gros steak juteux. Aussi, tu peux faire apparaître Cthulhu là-dedans. Ah ouais? Si tu fais Cthulhu, il va apparaître. Tu peux faire apparaître un laser werewolf, une espèce de loup avec des lasers sur lui. Sur Internet, il doit y avoir un million de monde qui essaie des affaires. Il y a plein de monde qui essaie des affaires, tu sais. Puis sur DS, c'est un jeu qui a été reconnu pour ça parce que tu pouvais passer énormément de temps dans le ce qu'ils appellent le « playroom ». Pour pouvoir essayer plein d'affaires. Ouais. Parce qu'en plus de ça, ce qui est le fun, c'est que ces objets-là, quand c'est des humains ou des animaux, ils vont interagir ensemble. Okay. Fait que si, admettons, tu as un lion dans le shot, ben si tu mets un zèbre à côté, le lion va aller manger le zèbre. Puis une autre affaire que j'ai trouvé vraiment drôle, tu sais. Ce jeu-là, c'est un jeu qui est vraiment adressé à tout le monde, à toute la famille. Pourtant, il y a plein de choses dans ce jeu-là qui sont vraiment pas faites pour la famille. Ah ouais? Comme, entre autres, il y avait une affaire, c'était il y avait une piñata au milieu de la pièce. Puis là, ça disait, les kids sont pas capables de défaire la piñata, ils n'ont pas de bâton ni rien de ça. T'sais. Fait que là, tu pouvais te dire, je vais me pogner un bâton, je vais frapper dessus. Non. Moi, je me suis pogné une mitrailleuse. C'est ça. Fait que j'ai pogné une mitrailleuse, j'ai mitraillé la piñata, les bonbons volaient partout, tu sais. Puis il y a une bonne physique aussi là-dedans. Fait que tout revole de façon très, très physique. C'est super beau. Puis plein d'affaires de même. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui... Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ai réussi à résoudre avec des armes. Ouais, hein, sûrement. mais il y a bien des affaires aussi avec des animaux et tout, parce que des fois, on te donne vraiment un défi précis. Tu sais, comme, mettons, tu vas être à côté d'une plage, puis ça te dit, donne-moi 5 sortes de poissons pour aller dans l'eau, ou 5 sortes de d'animaux qui vont dans l'eau. Fait que là, tu te dis, OK, je vais mettre une tortue, là, t'as un ping! Ça te dit que c'est bon, tu sais. Okay. Mais tu peux mettre plein d'affaires. Tu peux mettre un requin, tu peux décider de mettre un autre humain, une fille qui nage. Tu sais, ça peut être vraiment plein d'affaires. Là. Mais qu'est-ce qui arrive, tu sais? Mettons, là, il y a un crocodile qui arrive. On dirait qu'il va te menacer. T'sais. Tu dis, OK, fais apparaître un gros fruit, mettons, pour qu'il mange. Ouais, tu pourrais faire ça. Fais apparaître un giant robot pour l'écraser. Exact. Mais qu'est-ce qui arrive quand un truc marche pas, tu sais? Quand un truc marche pas, tu fais juste un restart sur ton affaire. Tu peux tout effacer puis revenir avant. Puis si tu as trop de misère, il y a un rond avec un point d'interrogation dedans, puis tu peux demander des trucs. OK, OK. Il y a des trucs qui se débarrent avec le temps dans lequel tu es dans le jeu. Fait que genre, il y en a un au bout de 30 secondes, je pense, un au bout d'une minute. Puis là-dedans, en fait, ce que c'est Scribblenauts Remix, ça s'appelle Remix à cause que c'est un best-of de Scribblenauts. Fait que t'as les 40 niveaux les plus populaires de Scribblenauts et Super Scribblenauts. Okay. Puis en plus de ça, t'as 10 niveaux exclusifs au iOS. Ah. Mais l'original et le Super, c'était tout sur DS? Oui, c'était tout sur DS. Okay. C'était des jeux originaux sur DS. Puis l'affaire qui est le fun là-dedans, c'est que ton fun est illimité. Tu sais, si tu fais les tableaux une première fois et que tu es réussi, c'est bien le fun, mais tu peux les faire d'une autre façon. Ouais, c'est d'autres façons hyper créatives de les faire. Puis ce qui est le fun dans Scribblenauts, c'est vraiment de découvrir toutes les façons de réussir un tableau, puis tout ce qu'ils ont réussi à mettre dans ce jeu-là. Ben, c'est juste incroyable. Une fois, comment ça se fait, la programmation? J'ai mis, ça doit tellement être long. Ah, ça devait être vraiment long. Là, à matin, j'ai essayé Rainbow Bulldog, je pense, puis ça a marché. Ah, ouais. Rainbow Bulldog ou Rainbow Dog, puis ça m'a donné un chien qui avait des couleurs d'arc-en-ciel dessus. J'étais comme, aïe, ils ont vraiment pensé à tout, tu sais. Tu sors un dinosaure, tu fais T-Rex, puis après ça, tu sors du plutonium ou des radiations. Le T-Rex, il touche, puis il devient vert fluo, tu sais. Ah, ouais. C'est vraiment, là, ça va tellement loin, là. Le jeu, évidemment, bon, il est plus court que les jeux de DS, parce que c'est vraiment comme un... Tu vois que c'est un espèce de teaser... pour iOS, pour voir si les gens aimaient ça, puis peut-être amener les jeux à acheter les versions DS qui sont... Tu sais, dans le fond, c'est pas que le jeu il est moins long que les jeux de DS, parce que si tu le compares à un jeu de DS, c'est quand même stock, c'est 50 tableaux, là. jeu DS. Non, mais un jeu DS, ça va être à peu près ça, 50 tableaux. Ouais. Dans celui-là, il y a 50 tableaux. Okay. C'est juste que les autres, à la place, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est 20 tableaux de Scribblenauts, 20 tableaux de Super, puis 10 tableaux d'original. Fait que, tu sais, c'est un petit peu moins long parce que les étapes, je les trouvais un peu plus faciles à résoudre. Il y avait des défis plus difficiles sur les DS, surtout dans Scribblenauts. Le premier Super Scribblenauts est un petit peu plus facile. Mais pour ce que c'est, quand même, là, c'est pas mal mieux de payer ça 5$ que 30$ au DS. Là, je veux dire. Oui. Parce que le graphisme, c'est comme. C'est en flash. Ah, c'est super simple. C'est comme un genre de flash 2D, mais le. Pour ce qui est du graphisme, il est encore plus beau que sur la DS. Ouais, il est vraiment très beau. Puis, tu sais, sérieusement, là, je veux dire, pour. Moi, j'ai joué aux deux autres jeux. Puis, je vois pas la différence. Tu sais, je suis vraiment. C'est comme si j'étais en train de jouer au troisième jeu de Scribblenauts. Ouais. J'ai bien du fun avec. J'essaye plein d'affaires. Je trouve ça vraiment cool comme jeu. Tu sais, c'est original au max, ce jeu-là. Ah, il n'y a pas d'autres jeux comme ça. Là, non. Non, c'est ça, là, son genre. Puis, il est vraiment le fun. Si vous avez un iPhone, iPod Touch, iOS, il est aussi disponible sur iPad. Ça doit tellement bien jouer sur un iPad, sur un iPhone, ça, côté clavier. Là, ouais, côté clavier, ça va vraiment bien. Tu pointes les mains, clac, clac, clac, tannant, ça. Ah, parce que là, ça, quand tu es habitué de texter, je suppose, ça doit te venir plus naturellement. Non, ça va super bien. Puis pour contrôler Max aussi, tu tapes sur l'écran à gauche, à droite. Puis si ça ne fait pas ton affaire, tu peux changer le mode de contrôle pour mettre un pad de style joystick à l'écran. Okay. Fait que non, vraiment, ils ont pensé à tout là. C'est une bombe, ce petit jeu-là. Là, c'est vraiment le fun. Puis, t'sais, ça coûte le sixième du prix que ça va coûter sur DS. Là. Fait ben que ouais. Y a rien là, là. Absolument. Fait que achetez-vous ça, de la bombe. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Un de mes meilleurs jeux iOS jusqu'à maintenant. Bon, ben, c'est ainsi que se termine ce 14e épisode de Rétro Nouveau. Merci énormément à vous tous d'être toujours là, malgré nos problèmes. Malgré nos graves problèmes. Ah ouais, malgré nos graves problèmes, sachez que. On continue à faire le podcast, on n'arrêtera pas. On n'arrêtera pas, puis on va régler ça, là, ça va venir. Ouais. Puis merci aussi à tous ceux qui ont répondu à notre projet, finalement, notre avis, qui est de se louer un local de podcast avec du gaming en dedans, toute la patente. Ouais. J'ai envoyé un gros courriel aujourd'hui à tous ceux qui étaient intéressés. Puis, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont intéressés. Donc, s'il y en a d'autres aussi, écrivez à info en commercial retronouveau.ca. Ouais. On prend les candidatures. Ouais, ouais, vraiment, absolument. Ouais. Plus qu'on est, moins que c'est cher. C'est fait ça. Nous, parce qu'aussi, il faut comprendre que c'est un local commercial qu'on veut louer. Puis c'est différent un local commercial qu'un local, admettons, pour jammer, un local de pratique. Là, ouais, c'est ça. C'est autre chose. Un local de pratique, ils vont dire ah non, tu rentres pas plus que 5 doudes là-dedans. Là. Mm. Tu sais, dans un local commercial, ça va être beaucoup plus facile d'être plus de monde, d'avoir un horaire. Pis, tu fais ce que tu veux, tu rentres quand tu veux. Pis, en fait, c'est un super beau projet, puis on est vraiment content que vous embarquez avec nous autres parce que l'avenir est grandiose. Ah ouais, puis ça peut ouvrir des portes à d'autres choses, on va voir, mais c'est le début peut-être d'un grand projet, je sais pas. Exact. Il faut faire des choses pour qu'il se passe des choses. Ben oui, certain. Merci à ceux qui répondent. On est bien emballés par ça. Yes. Mm. Donc, c'est ça. Sinon, la semaine prochaine. Wow, on verra la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est quoi donc qu'on fait la semaine prochaine? Tu peux le teaser. On est supposé faire un spécial. Mais je me suis rendu compte, je repense, là, je voulais t'en parler. On a souvent dit qu'on allait faire des affaires. Finalement, on l'a pas fait parce qu'on regardait la liste. C'est ça. Pas de spécial Mega Man, pas de spécial Ninja Gaiden encore. Tu sais, aussi, on avait dit que des fois, on faisait des jeux rétro. Un jeu rétro puis un jeu nouveau par personne. T'sais. Là, tu viens de faire deux jeux nouveau, pas mal. Ouais, cette semaine, c'est parce que j'ai été occupé, franchement. Là, fait mais on dit bien les affaires, mais des fois, ça change un peu. Mais faites-vous-en pas, ça nous reste en tête pareil. Le spécial Ninja Gaiden, j'attends des choses. Ouais, moi, la liste est là. On est un peu prêt, mais on va y revenir plus tard. Mais, on a dit Megaman, moi, je veux pas laisser tomber ça. Non, c'est ça. C'est juste que c'est gros, ça demande énormément de préparation, puis on veut pas que ça soit de la merde, puis juste le faire pour le faire, puis qu'après ça, tu fais comme moi, ça a comme rien donné. Ah non, on veut le faire bien, là. Ben, mais je pense pas qu'on va pouvoir le faire hyper, là, totalement, profondément, mais on fera un great asset de ce qu'on connaît. Puis c'est ça, c'est pas une thèse qu'on fait, là, on veut juste parler. On veut juste avoir du fun, là, on n'est pas des historiens. Mais, c'est ça. Donc, on va faire un petit spécial la semaine prochaine, puis c'est ça, ça va parler de nourriture. Ouais, c'est ça, encore un show de bouffe, that's it. Un show de bouffe. Ça serait, sais-tu, je pense à ça, là, ça serait le troisième épisode qu'on fait... qu'on parle de nourriture de ce type-là, de jeux de nourriture de ce type-là, vois-tu? Ouais. C'est drôle, pareil. C'est vrai. Mm. C'est vrai quand même. Fait que la semaine prochaine, à l'épisode, on reçoit... attends une minute. On reçoit nul autre que José Di Stasio. Donc, restez avec nous autres, puis Rétro Nouveau va changer en show de bouffe, là, sous peu. Recette de crotte de fromage. Ouais, recette de crotte de fromage et manette beurrée. Fait que, salut, à bientôt. À bientôt. Rétro Nouveau.